IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, arrête, arrête. Okay, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné par quatre joyeux drills. Je suis un enfoiré de ringard. Tout d'abord, elle est humoriste et auteure de son spectacle qu'elle jouera peut-être un jour. De toute façon, voilà, tout ce qui est concept de date, projet, c'est terminé. On l'a reçue en début d'année où elle disait tester l'exercice de la chronique dans la bande originale sur France Inter. Depuis, elle en a fait 164. Elle est tellement en place que Nagui lui coupe même plus la parole. C'est Morgane Cadignan. Oh oui. Bonsoir. Merci. Acteur, scénariste, cascadeur et danseur, on l'a vu dans les tutos, chez Studio Bagel, dans Balek, La Grande Classe ou encore Groom, disponible sur YouTube, n'hésitez pas à la regarder beaucoup parce qu'on touche très peu de droits d'auteur dessus. Il a aussi la capacité de trouver les filtres les plus dégueulasses d'Instagram, c'est Jérôme Niel. Oh ouais. Merci, bonsoir. Humoriste, acteur, amoureux de la bonne chair, vous avez pu le voir sur scène, à la radio, au cinéma récemment, dans le film En passant pécho. Il était également l'auteur et interprète du podcast Trani Raconte sur Deezer. T-shirt vodka connecting people sur les épaules, bob tropical vissé sur la tête, c'est Benjamin Trani. Ouais, merci. Merci pour l'invitation. Bah non. C'est adorable. Jeune collectionneur de 22 ans, passionné de Pokémon depuis un peu plus de 10 ans, fan de YouTube, il est étudiant en finance et pratique le tennis de table à haut niveau. Aussi, il adore faire rire. Bon, j'avoue, c'est la bio de David Lafarge Pokémon sur YouTube. Il est quand même l'heureux possesseur d'un Dracaufeu shiny d'une valeur de 50 000 €. C'est Adrien Méniel. Ouais, c'est vrai. Et j'en suis pas peu fier. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça fait très plaisir. Comme d'habitude, on commence avec le jeu des actualités. Montez mon retour. Tu veux monter ton retour, Adrien ? Bah écoute, regarde, si je fais ça. Est-ce que c'est moi ou pas ? Ouais, non, pas du tout. Et si je fais ça ? Oui, je crois que c'est ça. Morgane, tu t'es pas défoncé les oreilles du coup ? Un peu. Celui-là ? Je t'ai remis bien ? Non. Je peux le baisser ? Un petit peu. Une femme coupable de trafic de drogue a pris 10 ans supplémentaires à sa peine, à votre avis, pourquoi ? Attends, coupable de trafic de drogue ? À la base, elle a été arrêtée pour trafic de drogue, elle a pris 10 ans de plus. Et il y a un autre trafic dans le lot ? Alors, c'est pas une histoire de trafic. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant le procès ? Elle a fait quelque chose, ils ont dit, bon, vous la jouez comme ça, c'est 10 ans de plus. Pas du tout. C'était quand même pas mal comme ouais, ça. Ouais. Si ça aurait été ça, tout le monde aurait été un peu impressionné, je pense. Moi, j'ai envie de te l'accorder quand même. Ouais, ouais, un pétage de câble devant le juge. Mêlée à une autre affaire en cours ? Pas du tout. Elle a tué quelqu'un en prison ? Non, mais elle a fait un truc en prison. Ah, c'est en prison donc ? C'est en prison. Elle est devenue dealeuse en prison ? Non. Elle a continué le trafic. Alors, elle n'a pas continué le trafic. Exactement ce que tu venais de dire. Ouais, non, mais il n'y a ça pas a de problème. Elle a vendu de la drogue en prison. Alors, c'est pas ça. C'est un rapport avec la drogue avec sa condamnation. Qui serait vendu en prison, par exemple. Non. Justement, c'est pour balayer. Non. Aucun rapport rien avec la voir. Drogue. Rien okay. à voir. Un truc qui s'est passé en prison. Un rapport avec... elle possédait un objet qu'on n'a pas le droit d'avoir en prison. Un téléphone. Tu t'approches. Un schlass. Pas du tout. Donc mais c'est en pas tout un téléphone. Cas, non, mais elle a apporté quelque chose en prison. Son bébé. Un time's up. On n'a pas le droit horrible. De s'amuser en prison. Un cranium. Ta bouche, ton corps. Un appareil électronique. Pas un appareil électronique. Un tire-lait. Non. Un god. Bah non. Non. Bon, bah j'imagine non. que quand même. Non, mais c'est un peu sévère. Mais t'es pas loin de la réponse. Oh. Parce qu'elle l'a fait rentrer. Dans oui, son vagin. Bah, oh là bien sûr. Vagin, donc c'est un objet. De voilà. moins de 2 mètres. Voilà, c'est ça. Anatomiquement, je suis pas obstétricien. Oui. Mais non, mais oui, il y a des chances. Y a des a priori, c'est pas une Twingo. Qu'est-ce qu'elle aurait. Est-ce que c'est un objet dangereux ? C'est un objet assez dangereux. Un flingue ? Exactement. Ouais. Elle a fait rentrer. C'est un travail d'équipe, selon moi. Selon moi, c'est un travail d'équipe. Cette prisonnière a. Réveille-toi, Jérôme, par contre. Non, mais je réfléchis. Je réfléchis au modèle du flingue. Bah, c'est vraiment un petit revolver. Un flingue. Une calache. Non, regardez, c'est un petit revolver tout mignon. Voilà, donc tu peux s'en servir assez facilement. sa petite chatte. Oui, c'est un 4 balles, ouais, c'est un 4 balles. C'est le flingue. 4 balles dans Trou de balle, le nom de son biopic. Bah, en tout cas, c'est épisode. Mais donc, elle avait l'intention de se défendre ou de tuer quelqu'un avec cette histoire? On sait pas. Bah. Écoute, on sait pas trop. Elle a admis avoir introduit en contrebande cette arme chargée qui était cachée dans son vagin dans la prison du comté de Boone, dans le Missouri. Chargée dans le vagin. Ouais, super. Faut avoir la confiance. Ouais, c'est clair. Faut pas avoir le hockey, quoi. Une fouille à la prison a été suivie d'une mise à nu. Aucune arme avait été détectée sur le moment, mais au final ils ont réussi à la trouver. Étonnamment, il a fallu 17 jours avant que les geôliers découvrent l'arme qui était enveloppée dans du plastique parmi ses possessions, parce qu'elle l'a retirée évidemment assez vite. Un choc toxique. Attends, non mais ils l'ont retrouvée dans sa cellule. Quand même. Oui, pas dans son... Non, pas dans... elle a pas gardé 17 jours. Comme le film. Ah, de... je croyais. Non, pas comme James Franco. Ouais. Non, rien à voir. Rien à voir. On a appris qu'une star d'internet avait en réalité gagné plus de 450 000 euros grâce à une image qui a beaucoup tourné. C'est à votre Michou. Avis, qui est-elle? C'est Michou, bien sûr. Non. Une star d'internet. Deux vidéos de Michou, Adrien, au hasard. C'est pas Radjatsovski, là? Elle a pas vendu une de ses œuvres, une photo d'elle en NFT, là en train de... Ouais. Ah, c'est pas du NFT. Emily Ratajkowski? Ouais. Non, c'est pas ça. Et ça n'a rien à voir avec les NFT. Ah, c'est pas ça. Tu peux relire l'énoncé. Alors, on a appris qu'une star d'internet avait en réalité gagné plus de 450 000 euros à la surprise générale grâce à une image qui a beaucoup tourné sur le web. Ah, à votre avis, qui c'est un mème? Exactement, c'est un mème. Alors, c'est la petite vous... fille. Ah oui, c'est C'est la petite fille qui a le regard malicieux devant une maison qui brûle, non? Putain, mais incroyable, Jérôme. Wow. C'est exactement le mec ça. Sait des choses. Mais en même temps, c'était une intuition que j'ai eue. Ouais, c'est pas le nouveau truc où le gars de Twitter a vendu son premier tweet. Les NFT, c'est ça, non? Alors, apparemment, non. Bah, okay. Écoute, elle, apparemment, alors je vais vous raconter l'histoire. Elle s'appelle Zoé Ross, la Disaster Girl, comme on l'appelle sur Internet, désormais âgée de 21 ans, a récemment mis son image aux enchères. En tant que NFT, exactement. Ah, bah, il l'a dit que non, oui, je suis d'accord. Écoute, ça n'a aucun rapport avec les NFT. Vous allez voir, laissez-moi lire. Et dans voir. L'article en rapport direct avec le NFT, cette Disaster Girl. Écoutez, c'est gratuit les podcasts, d'accord? Donc à un moment, voilà, c'est peu vérifié. Non, mais effectivement, c'est complètement grâce au NFT. Non, mais en fait, je me suis fait avoir par les 21 ans. Je pensais qu'elle avait touché par le passé, mais non, elle a vraiment vendu ça en NFT. Ce certificat est théoriquement inviolable et ne peut être dupliqué. Il est conçu grâce à la technologie dite de la blockchain qui bien sert sûr. De base aux crypto-monnaies. Et donc elle a gagné 458 000 dollars. Ouais. On est vraiment des merdes. Pourquoi on n'a pas un truc comme ça là qu'on peut vendre? Des NFT. Mais tu peux vendre le NFT mais du en premier vrai... épisode du Floodcast. Ouais. Faisons-le, bordel. Et toi, tes dessins, tu pourrais complètement. Ouais, je pourrais. Mais bah il paraît que c'est horrible le NFT et tout, que c'est genre pour l'écologie, c'est atroce. Moi, je serais chaud pour vendre une vanne, tu vois, que tu caches et tu peux pas savoir et tu découvres après et comme quand ça, pas de copie. Ouais, voilà, et elle t'appartient, pas de soucis. Ah oui. Là, je te l'offre, mais faut faire monter les enchères. Tweet, quoi. C'est ça. Ouais, ouais, tweet, moi, j'ai le tweet qui m'a fait bloquer par Nadine Morano. Peut-être que je peux le vendre une très grande somme. Ouais, bah, en fait, je dérange les puissants. Ouais, mais je sinon, on pourrait vendre notre vidéo Combini qui jamais mis sur Insta. Non. Je le rappelle. Ben voilà, vous l'avez promis. Combini, si vous nous écoutez. Il nous écoute en plus, donc potentiellement le message. Ben. Une vidéo que vous nous aviez promis sur Insta qui n'est jamais sortie. Je le rappellerai régulièrement. Garrett Wild a fait un pari fou dans son supermarché, le supermarché de son canton, et l'a enfin remporté au bout de 6 ans. À votre avis, quel était ce pari fou? De payer la même somme exactement. Non, c'est nul à chier. C'est pas du tout. De fou. Vendre des produits périmés. Non. Il est client du supermarché. Il est client du supermarché. De manger tout le rayon chips. De mettre des conserves dans sa chatte en prison. D'acheter chaque produit du supermarché. C'est une très bonne idée, mais c'est pas ça. Mais il y a un truc qui a pris du temps, effectivement. C'est quelque chose que. C'est pas genre quelque chose qu'il a essayé de faire pendant 6 ans, il a enfin réussi. Non. C'est quelque chose qu'il a fait pendant 6 ans, oui. Et au bout de ces 6 ans, il est allé au bout de ce pari. Il y a un truc de carte de fidélité Pas de carte de fidélité. Pas de NFT. Il a fait la. Non, vas-y. Non, je sais pas. Non, est-ce que c'est un truc du genre. C'est un rapport avec le montant de ses courses Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas de ses courses. C'est pas par rapport à ses courses. Est-ce que c'est par rapport au caddie? Pas par rapport au caddie. Au place de parking. Dans Gagne Cadignan, voilà. Dis donc, bon, tu déranges les puissants. T'as vu, je te l'avais dit. C'est un rapport avec le vol, de voler? Non. Le défi fou de tout voler un soir. Il a volé l'intégralité du supermarché. Non, mais tu disais acheter les caddies. Chaque produit au moins une fois. Non, pas ça. La caisse? Non, mais on est en tout cas autour du caddie. Le parking. Le panier. Le parking. Oh. à votre de avis se garer sur chaque place de parking du. Exactement. Et bah, c'est pas du tout fou comme parking. Ouais, c'est clair, mais mec. Mais lui, en revanche, est c'est à chier. Mais alors, écoute, qu'est-ce que c'est que ce pari nul ? Qui êtes-vous pour juger ? Mais les places handicapées compris. Oui, j'avoue. Mais ça devait être un mall. Enfin, ça devait être un énorme parking. Non, c'était le A de Il y avait 4 places. Ça lui a pris combien de temps ? 6 ans. Ça lui a pris 6 ans. 6 places sur le parking. Il a fait une place par an. Il a pris son temps. Combien de places en tout ? Regardez, il y a beaucoup de places quand même. Il a fait chaque place de son supermarché. Voilà, il a galéré. Il y a des places qui étaient plus difficiles c'est d'accès. C'est nul comme idée. Ouais, mais et ce qui est horrible, c'est que je pense que une fois qu'il a rempli son pari, il est allé voir les gens du supermarché pour leur dire. Ils ont fait OK. Vraiment, c'est. Non, bah, mais mec. Tous les repas de famille où est-ce la femme d'entendre la même anecdote. Tu te souviens, chérie, que j'ai fait tous les. Oh la tristesse de ta vie, mon mais gars. Mais du coup, il doit avoir un dossier avec toutes les photos en preuve ou un truc comme ça. Parce que tu vois, même pas, je crois. Parce que s'il n'y a aucune preuve, c'est bon fond. Non seulement. C'est de la merde, mais en plus je te crois pas. Alors lui il le présente comme ça. Il dit ça ressemble un peu à ceux qui collectionnaient les albums Panini autrefois, mais dans non. une version non à aucun moment dans une version qui n'a rien à voir. Déjà un curry, il a pas dit album Panini déjà. Non, c'est un anglais, c'est Panini un anglais. Bah Panini, ouais, il y a peut-être. Ok, c'est bon. Il mettait soigneusement à jour une feuille de calcul de tous les endroits où il se garait. Il a divisé le parking en zones de A à F. Mais non, mais samedi, il a pu cocher merde. L'espace F20. Le dimanche, il tuait des enfants. Et après, c'est un mec qui s'est fait virer de l'armée. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, il est allé. Pour la dernière place, il s'est vraiment tiré une balle dans le buffet, dans sa caisse en fait. Allez, Paris Europe. Bah, c'est un record. Et les gens disent putain, on l'a pas vu venir. Il se garait vraiment. Il avait un tableau Excel de place de parking. On n'avait pas vu venir qu'il haïssait sa vie. Il sera joué par Denis Ménochet. Deux youtubeurs risquent l'expulsion en Indonésie après un prank. À votre avis, Michou et Inoxtag. Non, pas du tout. Un prank en Indonésie. Ils ont fait un prank en Indonésie. Alors c'est une pièce de théâtre pas ouf aussi avec Isabelle Mergaux. Il faut deviner le prank. Oui, quel prank a fait qu'ils risquent actuellement l'expulsion. Ils ont fait croire que le Covid c'était terminé. Alors non, mais c'est un peu lié au Covid. C'est même tout à fait lié au Covid. Il y a un truc en rapport avec le port du masque. Exactement. Ouais. Ils ont arraché les masques des gens. Ce qui serait vraiment pas gentil. Non. Et est-ce que c'est pas genre ils n'ont pas porté de masque? Ouais. Ils ont refusé. C'est lié, mais c'est pas vraiment ça le point. Ils ont toussé au visage des gens. Ils ont fait croire à des gens qu'ils étaient positifs. Non, c'est pas ça. Mais c'est de ce goût. C'est à peu près de ce goût. Ils faisaient des tests PCR aux gens dans la rue. Leur saignait le nez là. Il y avait du cyanure au bout du coton-tige. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est autour des masques en tout cas. C'est autour des masques. Ils portaient des masques. Ils mettaient des slips. Vous êtes pas loin, hein. Vous êtes vraiment pas loin. Ils vendaient des masques en. Mais non, mais ça, c'est plus du prank, ça. C'est, c'est une du arnaque. Ouais. Ils avaient un flingue dans le cul et. Non. Non, non, c'est vraiment lié aux masques. Ils ont. Je vais vous donner la réponse, vous l'aviez plus ou moins. Allez. Ils ont dessiné des faux masques sur leur visage. J'ai failli le dire, je te jure, sur la tête. Bah, pas la tête de mes parents, mais. Bref. De mon chien. Ben voilà, écoute, ils ont ni plus ni moins que fait ceci. Et alors, l'Indonésie a trouvé ça assez peu drôle. Et aujourd'hui, ils risquent l'expulsion. Puisque, si je peux me permettre, même moi, je trouve ça assez peu drôle. De là être expulsé. Mais attends. Ouais, écoutez, il y a des gens qui sont en prison. Pour ah, mais c'est bien fait. Voilà, si vous regardez sur Google. Ça, c'est un million de vues sur TikTok, droite, hein, ce genre de make-up. À droite, c'est un vrai masque. Hein. Peut-être. C'est, donc, peut-être. C'est pas si bien fait. Il y a vraiment une énorme mais attends, bouche. Attends, mais c'est génial. J'ai plus ni moins qu'une bouche qui fait pas. Donc, le pays a dit vous dégagez. Le... C'est même pas tu On n'a pas envie de rire. D'accord. Bah, on est fatigué. Il y a des pays qui sont moins. Ça se trouve, elle faisait juste un maquillage moins clément, d'avant. Pour les blagues. Non, mais là, oui, effectivement, il y a eu une story Insta, en tout cas au niveau du gouvernement indonésien, pour dire c'est pas très rigolo. C'est pas très rigolo. Ouais, c'est gouvernement. Ça se trouve, ils voulaient juste se déguiser en avatar, ils ont pas fini quoi. Non, ils ont dit. Non, mais ouais, ça a été plutôt mal pris. Un homme a juste, été. Attends, juste, je reviens, le gouvernement a fait une story donc. Un post Insta, pardon. Okay. Même. Sinon, faites un truc officiel, je sais pas. Avec un petit filtre rigolo. Quand même. On est comme la un preuve, on n'est pas dénué d'humour. Mais c'est terminé. Mais c'était plus les pieds chez nous. Allez chier les youtubeurs. Un homme a été arrêté dans le bar, un peu du Benjamin Tranny américain. Ouais. Kid Rock. À votre avis, pourquoi? Il a été arrêté dans le bar de Kid Rock. Ouais, Kid Rock a un bar aux États-Unis. Je sais pas si vous voyez qui est Kid Rock. C'est un chanteur américain qui faisait de la coupe, qui faisait du néo-métal avant. Ouais. Républicain. Et qui depuis a soutenu Trump. Donc il a un bar aux États-Unis et un homme a été arrêté après avoir déclenché une bagarre là-bas. Mm-hmm. Je peux vous le dire. Et à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre? Il chantait mal ses chansons. Non. Alors le côté Kid Rock, c'est juste pour donner une couleur. Ça n'est pas vraiment lié. Un costume de nazi. Non. Un salut nazi. Rien de nazi. Un cocktail nazi. Ah merde, a priori, je me casse. Dans le bar de Kid Rock, ça peut passer inaperçu. De la politique? Rien de politique. Est-ce que c'est un rapport avec le Covid? Aucun rapport avec le Covid. Est-ce que c'est un rapport avec l'alcool? Peut-être la personne était bourrée, mais en l'occurrence, ça n'a pas de lien direct. D'accord. Avec est-ce que c'est un rapport avec le sexe? Ça n'a pas de rapport avec le sexe. De moins donc en il, moins a déclenché une il a déclenché une bagarre? Il a déclenché une bagarre, ouais. Est-ce que c'est suite à une déclaration qu'il a faite? Non. Ouais. Non. Il a fait quelque chose, il a fait un truc dans le bar qui a déclenché. Il a pissé dans le verre de quelqu'un. Non, on s'approche peu à peu. Il a chié dans l'assiette de quelqu'un. Non. Il a vomi. Non, non, non, je veux que ça s'arrête jamais. Continue. C'est comme une chanson. Pisser un bouton dans le verre à shot. Il a fait apparaître une pièce derrière l'oreille d'un gars. Le gars, ça l'a rendu fou. Mais c'est nul ton tour. Non, non, est-ce que c'est il a raconté son anecdote des places de parking et vraiment les gens ont... Je vais te défoncer, c'est de la merde. Faux. C'est de la merde et c'est faux. Non, mais par contre, c'est lié à un truc un peu dégueulasse. Ah. Il a craché du bar. Non. Il a craché dans les verres des gens. Il a pas craché. C'est de la morve. Non. Non, il a pas éjaculé. Merci. Est-ce qu'il a donné un fluide dans un verre? Pas dans un verre, mais un fluide dans un sac plastique. Il a pissé dans un sac plastique. Il n'a pas pissé dans un sac plastique. Joui, dégueulé. Non. Il a fait caca. Non, attends, un fluide. Oh, un fluide. Ça peut être beaucoup de choses. Il a foutré dans un sac, mais le gars est taré. Le gars est taré. Oh putain, c'est un Dior. Il a ramené son propre alcool dans un sac plastique. Non, attends, non, non. C'est un sac plastique. C'est un sac plastique. Pour le lancer, il a été lancé. Il a été lancé dans la foule. C'est pas de la pisse. De l'acide. Non, c'est pas de l'acide. Attends, c'est un fluide corporel ou pas? C'est un fluide qui est dans ton corps, oui. Du sang. Mais qui est pas spécialement fait pour sortir. C'est pas du sang. C'est pas loin de la bile. De la lymphe? Bah non, attends, ça devient de la dingue. Ça devient dingue. Non, de la sueur. Mais non, mais quoi? Écoutez, attends, plus, attends, plus attends. On donne des trucs, plus je vois pas du tout la salive. La salive. Du crachat? La salive. Non. Du cérumen? Des ongles, c'est ça. Des larmes, c'est très poétique du coup, c'est un émo. Du gras. Ah. On n'est pas loin, écoute, attends, juste du sang doux. Non. Du pu. De la sueur? Non, on était plus près au niveau de Jérôme. La transpiration? Attends, du gras, c'est pas possible, on va trouver. Du coup, non, nous dis pas. Non, d'accord, merci, parce que d'habitude je suis le seul à vouloir trouver. Du gras. Du gratuit? Non. Des poils? C'est quelque chose qui est dans le corps, quoi. Ouais, c'était un peu. Morgane l'a un peu proposé, mais c'était pas vraiment ça. C'est pas vraiment de la sueur? Non. C'est pas vraiment de la sueur. Elle a dit Cyprine. C'est pas vraiment de la merde. De la diarrhée. Non, c'est pas un type de merde. J'ai vraiment l'impression d'être le pire Cyril Féro. C'est vraiment de la merde. Attendez, non, est-ce non, que non. C'est le. Il s'est fait un lavement et c'est le liquide qui est sorti de son trou de balle. On peut applaudir Adrien Méniel. Wow. What? Mais non. Quelle horreur. C'est un sac plastique dans quel le. Génie. Dans le... Moi je le trouve plus stylé que le mec avec les places de parking. Ouais. Là je dis oui, ça c'est un défi. C'est un résultat de ce qu'on appelle une colostomie. Donc, en fait, c'est le. Bugsy d'ailleurs. La merde. Tu mérites de recevoir un sac de liquide. En fait, c'est un peu la merde qui est entre le, donc, qui est dans le côlon jusqu'au rectum et l'anus. Ouais, je vois bien. Ouais. Cette petite zone, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et donc, il avait ça dans un sac plastique et il l'a fait tournoyer dans le bar de Kid Rock. Et les gens ont peu apprécié, voilà, il y a eu baston. Mais comment les gens ont su ce que c'était? Non, bah, l'odeur, ça doit faire la merde quand même, hein, un minimum. Ouais, puis il a dû prévenir en disant « Ah, c'est ce qu'il y a dans mon cul !» Ils ont senti « Mais t'as fait une coloscopie ou t'as fait quoi? T'as fait un truc ?» Une colostomie. Ils ont dit « Ah, bon, je me bats quand même. » Est-ce que vous avez eu des, alors pas aussi folles, mais des histoires un peu comme ça dans des bars, des trucs qui partent en couilles, des fêtes où il y a des voisins qui viennent faire chier? Moi, j'ai beaucoup d'histoires dans des bars. Comme tu doutes bien. Oui, non, mais bon, des histoires marrantes. De baston. Ah là, comme ça, je. Est-ce que des moments. Pas moi... forcément autour du liquide, hein. Non. Là, un événement dans un bar. Oui, il peut ne pas y avoir présence de merde. Tu vois, bah, un nouvel an, un truc. Oui. Moi, j'en ai une où je fêtais mon anniversaire et j'avais. Donc j'ai les dents un peu écartées. Et il y avait un autre gars avec les dents écartées à mon anniversaire. Donc déjà on était deux. Vous avez fait un vœu. Et en fait moi je me suis barré parce que j'étais complètement sous. Et le lendemain tout le monde a dit putain t'as quand même créé une sacrée pagaille hein. Apparemment dans le bar tout le monde disait le gars avec les dents écartées et tout. Et je me suis dit mais attends mais c'est pas possible. Ou j'ai un blackout total ou je m'en souviens pas. Donc on a mené l'enquête. Il s'est dit que c'était un gars, l'autre gars de ma soirée. Il s'est embrouillé avec un type du karaoké. Et en fait le type, vraiment c'est une histoire vraie, en fait ils se sont embrouillés, le gars avait une jambe et un bras en prothèse, oui, en prothèse. D'accord. Et apparemment il a carrément dévissé son bras dans le bar, il l'a posé sur le bar et il a dit vas-y viens te battre maintenant, je suis prêt et tout. Et genre ça avait fait, et tout le monde avait cru que c'était moi qui avais créé cette bagarre. Et du coup, mais attends, mais je m'attaquerai pas. Enfin, vous êtes fous, quoi. J'ai dévissé le bras de personne. Ouais, ça, il a dévissé son bras, mais pas sa jambe, du coup. Ouais, non, bah il fallait. Pas bon équilibre, pas bon équilibre. Garde ton bras aussi. Non, peut-être que ça te déséquilibre. Je sais pas. Donc, j'étais pas vraiment là, mais tout le monde a cru que c'était un peu de ma faute. Bah, il faut. Voilà. Moi, j'ai... Attends, ah, juste, ouais. C'était toi. Non, je vous Moi, j'ai mes voisins, il n'y a pas si longtemps, il y a deux étages du dessus, qui ont fait une fête. Et. Ah non, mais oui. En plein Covid. Bah alors, ouais, tu rigoles, mais ça a un peu joué déjà. Déjà, j'étais genre, je voulais pas être le mec qui va se plaindre. Ouais. Et tu dis, excusez-moi, mais il y a quand même des règles. j'ai eu une éducation chrétienne catholique, j'ai été baptisé. Pas fou ce que vous faites. Donc, bref. Mais je le garde pour moi parce que je suis avec ma meuf et qu'elle me trouve déjà très vieux dans la vie, donc j'essaie de, voilà, de le garder pour moi. Et donc je garde, et puis tu sais, minuit, une heure, deux heures, tu fais, voilà, trois heures quand même, donc un peu chiant. Et puis le truc, c'est que c'est pas mes voisins juste au-dessus, c'est encore l'étage du dessus. Okay. Donc je suis un peu relou en vrai, parce que je les entends pas tant que ça. Ça résonne quand même beaucoup dans la cour intérieure. Et en fait, c'est ça. Et donc moi, je me dis, je vais juste leur dire, est-ce que vous pouvez fermer la cour, enfin la fenêtre côté cour. Et tranquille quoi. Mais bon, au final, j'y vais pas. Je me dis, allez. Mais là où je suis une victime, mais en fait, je suis pas vraiment une victime, je suis un peu un fou aussi, c'est que j'ai un faux compte Insta où je les suis sur Instagram. L'épisode de transfert que t'es en train de me faire. L'angoisse. L'angoisse. Et donc, du coup, je les suis je les vois sur Insta faire la fête. Et je me dis, bon, est-ce que j'envoie un message? Est-ce que. Bah non, parce que du coup, ils vont savoir que c'est moi. Bon, bref. Et vraiment, je les espionne et en fait, j'arrive pas à dormir et je passe la nuit à. T'es en train de découvrir une facette de ta personnalité. C'est génial! Bon, bref, et au final, je m'endors. Et le lendemain matin, à 10h, il y a encore de la musique à fond. Je pense qu'ils prenaient ce qu'on appelle de la MDMA. C'est des gens plutôt jeunes, plutôt. Voilà. Et je me dis, bon, là, je vais mettre un petit mot sous la porte quand même, parce qu'il est 10h du mat et tout. Et surtout, j'ai un rebord de fenêtre, une espèce de petit balcon. Et donc là, il y avait plein de clopes, il y avait. Il y avait les trucs pour gratter les dents. Alors moi je savais pas parce que je suis pas cool du tout, mais ma meuf elle me dit bah quand t'as les dents qui grincent, tu te mets ça entre les dents et ça te permet de pas avoir les dents qui grincent quand t'es fou. Ah ouais, ici il y en a plein sur la colline du crack, je crois. Ouais. Bah oui, je vois, Il y avait littéralement un mec un craquette sur mon rebord de fenêtre qui était tombé. Non mais bref, et donc je me dis bon, vas-y, est-ce que j'y vais pas? J'y vais pas, je dis bon allez, je vais me chercher à bouffer. Et en fait quand je descends, je les croise. S'ils étaient descendus, je sais pas pourquoi, et je les croise et je me dis bon bah faut que je leur dise quand même, allez. Et donc je fais, et je voulais pas être le vieux monsieur qui se plaint des voisins donc... et j'en plante un sans rien dire. Hop là, dans le bide. Et je fais ouais, comme dans du beurre. Allez, bonne journée. Je dis, et donc en fait je passe devant eux et je m'arrête et je reviens. Donc déjà j'ai mis un peu une ambiance parce que j'aurais dû leur parler direct. Bien là sûr. J'ai fait un espèce de truc de. Et donc à ce moment-là tu sais pas quel mot utiliser, donc je fais c'est vous qui avez fait la fête là cette nuit. Mais je voulais pas le dire en mode la menace. Il y a pas de bonne façon. Il y a pas de bonne façon. Horrible. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a pas de bonne façon. Ils me disent oui. Je fais alors. Y a pas de souci et là je commence à devenir vraiment un. Je suis très cool. Ouais voilà. C'est exactement ça. Moi-même. C'est exactement la phrase que j'ai dit. Qui est faux. C'est-à-dire que je fais, écoutez, c'est normal. Moi-même je fais des fêtes et en vrai c'est faux, j'en fais jamais. Et je dis c'est normal. Juste si vous pouviez pour la prochaine fois fermer la fenêtre côté cour. Et en fait les gars étaient sous MD 2000 donc il y a le mec qui me fait. Oh mais je suis désolé. Et il commence un peu à m'enlacer. Ah, et je fais, oh là. Là, c'est coup de couteau là. Ouais. Et, mais en même temps, moi, je suis, j'étais prêt à m'embrouiller vénère un peu. Enfin, je pensais qu'il allait me dire, va te faire foutre, je fais ce que je veux, c'est la fête et tout. Ouais, c'était un peu désarmé quoi. Et donc là, je n'ai fait que dire des phrases de papa, de dire, Non mais c'est pas grave, c'est normal. Eh, c'est normal que vous fassiez la fête en ce moment. Ça fait un an qu'on est confiné, vous les êtes jeunes. J'ai dit les temps sont difficiles quand même. Et après j'ai dit, et après ils me font mais vous inquiétez pas, en fait on a fait cette fête parce qu'on part de l'immeuble. Donc là en plus je me sens un peu con, genre putain c'était leur dernière fête et j'ai vraiment fait le relou. Et je fais mais vous allez où du coup? Et s'entame une conversation qui n'a aucun intérêt. Et donc bref, et à la fin je finis par dire bah en tout cas vous allez bien dormir aujourd'hui hein, et je sais pas pourquoi. Les phrases de daron qui sont sorties tout seul. Et ces gens là ne savent pas que je les stalk toujours sur Instagram. J'arrête de les stalker. Je crois pas qu'ils écoutent, ils savent pas du tout qui c'est, qui je suis ou quoi que ce soit. T'avais une amie en commun tout de même. Quoi, qui? Pour les retrouver. Une connaissance en commun avec un des mecs. Pourquoi? Tu me l'as dit. Mais pas du tout. Vous vous trompez de voisin. Gilles Blaze, qui ça? Ah oui, c'est vrai. Oui, mais moi je la suis pas. Donc je sais pas. Bon, c'est une... Attends, 26 minutes, faut que je pense à biper le blaze. Mais voilà, donc en fait j'ai été vraiment un espèce de daron infect, ce que je suis dans la vie, je crois, au final. Ben non, c'est eux qui sont infects. Pour moi. Pour toi, le mec cool. Ouais, moi, et ça y est, ils sont partis là? Non, là ils partent là, dans 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Toi, t'as pas eu d'embrouille dans des bars ou dans des soirées? Non. Le petit ténuqueté. Non, mais moi j'ai eu des. C'est un perso en fait, c'est un perso toi. Si, moi c'est un perso, je suis comédien. Mais j'ai eu avant dans. Là, je suis propriétaire également. Mais moi, avant, je suis absolument pas propriétaire. Avant, j'étais locataire et là, j'avais un voisin du dessous, complètement taré, vraiment dans la force de l'âge. Donc, je pense que s'il y avait eu une bagarre, j'aurais fortement perdu. Et un soir, alors que il me semble que j'étais en plus à l'époque en date avec une meuf, il y avait un peu de bruit. Enfin, on discutait, on mettait du son et lui, il est arrivé, il était sur chaud, les poings serrés comme ça, et il me disait T'arrêtes immédiatement. Et du coup, il a commencé par me pousser dans mon propre appartement. C'était sur le. Ah ouais. Donc très nerveux. Et ensuite, il descendait. Il redescendait l'escalier. Moi, je le voyais comme ça. Il repartait chez lui. Il fait maintenant, t'arrêtes. Hein. Et tu fermes la fenêtre, tout ça et tout. Et moi, je lui dis, je vais appeler les flics. J'essayais de le. Et lui, il dit comme ça. Je vais appeler la police. Hein, moi, je vous le dis, je vais appeler la police. Et du coup, c'est la seule grosse altercation. Mais je pense qu'il m'aurait tué. Il y avait vraiment la rage. Et je le soupçonne d'avoir à l'époque. Mis un coup de schlasse dans la selle de mon scooter. Ah ouais. Qui était garé devant et je le soupçonne quoi. Ensuite je me suis fait voler mon scooter. Ah sympa. Voilà. Cela dit, moi j'ai eu une anecdote de pisse avec un voisin aussi. J'ai un peu pissé dans une bouteille que j'ai versée sur. Comment un ça paillasson. Un peu pissé dans j'ai une. Bah, j'ai pas pissé dans l'intégralité de la bouteille. C'était une colostomie. Ouais. Là, j'ai pissé dans un fond de bouteille. Le gars était relou, me faisait chier pour un oui pour un non. Pour le coup, c'est lui qui était chiant alors que juste je vivais dans mon appartement. C'était le voisin du dessous et il venait me voir le lendemain. Pour me dire, vous êtes allé aux toilettes cette nuit? Et je disais, oui, on entend, hein. Et j'étais genre, l'appart d'avant. Oui, c'est ça, dans l'appart où t'es venu faire plein de floodcasts. Et même qui était venu sonner d'ailleurs pendant un floodcast, je me souviens, enfin, vraiment un relou. Et donc, bon, je peux le dire maintenant, j'avais pissé un peu dans une bouteille, j'étais descendu et j'avais renversé la pisse sur son paillasson. Pour que ça sorte un peu la pisse. C'est bien, c'est bien. Bah, dis donc. Bon, ouais. Ok. Donc, voilà. Ben, lâche toujours très lâche. Toujours. Ça me parle, ça me parle. C'est sur ma bio Tinder. Sur ma bio Tinder, il écrit je pisse en scred sur les paillassons des gens qui me saoulent. Je savais pas que t'étais un bad boy. C'est dans la chanson Bad Boy de Marseille. Un fermier d'Herculine. Et non pas d'Herculie. Un fermier. Pas un infirmier, oui. Ah, j'ai dit infirmier. Oui. Ah oui, non. Un plus loin fermier d'Herculine voulait faire passer son tracteur et son geste a eu une portée internationale. À votre avis, qu'a-t-il fait? Ouais, il a déplacé la frontière de la Belgique. Exactement. What? Alors, cette histoire est un peu folle. Alors, le mec est fort. Ouais. Jusqu'à Trocadéro. Maintenant, nous sommes là, actuellement en Belgique. Trocadéro, Louisiane. En fait, ce qui s'est passé, un fermier de la commune belge, donc d'Herculine, a déplacé une pierre qu'il gênait pour faire passer son tracteur. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'un vulgaire caillou blanchâtre, mais de l'une des bornes qui séparaient la Belgique et la France. L'homme a donc symboliquement redessiné la frontière, à l'avantage de la première et au détriment de la seconde. Donc voilà, il a... Guerre mondiale en Belgique. Après la Coupe du Monde... Ça. L'Alsace est actuellement envahie par la Belgique. Dingue. Quel ami d'une personnalité qui a fait le buzz un peu en 2020 a promis qu'il allait bientôt faire son comeback? Genre, l'ami a dit il y a une restat 2020 qui va faire un gros comeback. Putain, qui ça peut être? Non, quelqu'un qui a fait l'actu justement par rapport à sa disparition en 2020. Okay. Et donc l'ami de cette personnalité a dit préparez-vous, il revient ou elle revient bientôt. Mais une personne qui a disparu en France en 2020 une personne qui a disparu bien avant, mais qui a fait le buzz en 2020. Oh putain, Polnareff. Non. Tu l'as fait le buzz en 2020. Non. J'ai voulu lire Polnareff. Xavier Dupont de Ligonnès. Bien joué. Ah non, mais il a fait le buzz avec ce... C'est ça. C'était exactement. Mais c'est pas moi, mais c'est vrai. Mais c'était pas en 2020. Si, c'était en 2020. Il a fait briller Society. Le... Ah oui. Tu parlais de. C'est pas Bijoua vrai, ou... j'étais au 10e degré, c'est ça. Non, c'est ça. C'est... Attends, il y a un pote qui a dit il va revenir. Mais c'est qui c'est attends, qui le mec, il est en taule s'il dit ça. Enfin, ouais, il est en garde à vue, je veux dire. Je vous explique. J'ai des infos, génial, il va revenir. Ouais, explique-nous. Venez au poste. Il ouvre sa chaîne Twitch. Parti. Xavier Dupont de League of Legends, je crois. J'adore. Toutes les théories ou presque ont été échafaudées sur cette affaire, même les plus folles. Une hypothèse qui ne semble en tout cas pas plausible pour Bruno est Bruno de Stabenrath. Ouais. Voilà. Ouais. Apparemment, l'un des amis le plus recherché de France, c'est qu'il soit décédé. Selon lui, il n'a pas préparé tout ça pour mourir avant de rajouter « Il est quelque part, mais il ne coule pas des jours heureux. J'ai un sac qui est prêt pour partir si un jour j'apprends quelque chose. » À mon avis, il va revenir. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce n'importe quoi. Oui, j'ai un sac. Je pense qu'il est. Je pense qu'on parle de lui. Je pense qu'il est parti en Australie et pour cause. Il en parlait beaucoup à sa famille dans ses courriers. Le pays est tellement immense. J'y étais il y a 2 ans et personne ne le recherche là-bas. Genre quand tu vas dans un pays, nous on cherche Xavier. Alors, le tirage de couverture. Bah, moi j'y étais il y a 2 ans en fait pour monter une petite entreprise et tout. Donc il marche. Je vous passe le lien ici. Ouais. On a un compte Insta. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais vous n'y croyez pas ? Vous pensez que Xavier est mort ? Je me l'appelle Xavier. Moi, je pense qu'il est dead. Il est dead, ouais. Toi, tu penses qu'il est mort ? Moi, je pense qu'il est dead. Moi, je pense qu'il est pas mort. Ah ouais ? Moi aussi. Moi, je pense qu'il est autour de la table. Mort. Pas mort. Toi, tu. Morgane. Pas mort. Morgane pense qu'il n'est pas mort. Toi, Adrien. Je sais pas. Bon bah. Ouais, je vais dire pas mort. Ah, mais c'est plus et de pourquoi l'espoir. Jérôme, ouais, c'est aussi un peu d'espoir. Bah, oui. On a envie qu'il revienne. Oui, bien sûr. Parce que avec un double album, bien moi, sûr. Moi, j'ai lu pas mal de trucs sur les cavales. Parce que je suis assez cavalier par moment. Et genre, c'est très très dur d'être en cavale. Oui, oui. Genre, ils te disent, il faut les gangsters et tout machin, il faut énormément d'argent, avoir énormément de poteaux pour se planquer et tout. C'est quasiment impossible, sauf oui. si dès le premier jour il s'est barré à l'étranger. Dans un pays super improbable, hein, si le mec il est au Salvador, ouais. Mais... avec une barbe de 1000 jours, Panama. Non ouais. Mais bien sûr. Ça ressemble à un petit Tom Clancy là, j'aime bien. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a plus de chances de le retrouver, de ne pas retrouver son cadavre alors qu'il est mort? Que de le retrouver vivant. Enfin, genre, moi j'ai l'impression que quand il y a quelqu'un de mort, tu retrouves souvent quand même. Oh, non, il y a plein l'eau abîme énormément. L'eau, ça abîme. Ouais. Non, mais en vrai. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je veux dire. J'ai avec un aplomb qui, pour moi, c'est des scientifiques. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans des forêts. Oui, que tu... non, mais qu'on n'a jamais retrouvé. Non, mais il y a des gens que tu retrouves des années après. Ouais. Tu retrouves leur corps des années après. Ah ouais, rien que franchement, fouille ton clic-clac. T'as des surprises. Une pièce de 10 francs. Michel Sardou. Alors vous le savez, ici on est très fan de Michel Sardou. Moi j'esquive, tout le monde essaie de me parler de Sardou en DM depuis 3 jours là. C'est vous dire l'impact qu'on a auprès des jeunes. C'est vous dire l'impact sur les 16-18. En fait c'est un peu notre icône de, ouais, de ce podcast. L'égérie de ce podcast peut-être. Et donc effectivement dès qu'il est au cœur de l'actu, on nous envoie beaucoup de messages. En l'occurrence là il vient de sortir son autobiographie. Il a répété sa haine pour l'écriture inclusive dont on avait déjà parlé dans cette émission. C'est quelque chose qu'il déteste. Ouais. Et une nouvelle invention. Les escalators aussi. Il trouve que ça fait peur, il a dit. Et puis les femmes de ménage, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles volent. Ouais. Non, elle est une nouvelle invention. Lui irise particulièrement les poils. Ah. Il l'a dit dans son autobiographie. TikTok. Et il le répète en interview. À votre avis, quelle est cette invention? Les trottinettes électriques. Non. Je crois que j'ai déjà deviné ça la dernière fois. Ce n'est pas les AirPods. Rapport à Alain Delon qui avait dit. C'était Alain Delon qui avait un vrai problème avec les trottinettes. Est-ce que c'est lié à la technologie? C'est un truc technologique. Les AirPods? Ce ne sont pas les AirPods. Voilà. Mais j'aurais adoré. Non, mais ça, ouais. Mais on voit plus les fils. Après, il y a des gens de 30 ans qui détestent les AirPods aussi, donc pourquoi pas Sardou, quoi. FaceTime ou les trucs comme ça? Non. C'est un rapport avec les téléphones portables? Pas du tout. Pas du tout. Un véhicule? C'est un véhicule. La voiture autonome. Pas loin. La voiture électrique. La voiture électrique. Vraiment, où se place cette haine ? C'est incroyable. C'est génial. Il va vous l'expliquer. Ah oui, elle pollue ou pas la voiture ? Bah, je déteste. Il a dit qu'on les entendait pas, que c'était hyper dangereux. Il va vous expliquer pourquoi il les trous du cul qui veulent me dire ça pollue quand même. Laissez-moi tranquille. Ils n'ont pas. Si, si. Non, là, pour le coup, tu supputes. Non, non, oui, mais je suppute. C'est d'expérience. C'est d'expérience, Flaubert. Alors, je vous laisse écouter, Flaubert. Non, la bagnole électrique, par exemple, ça mine. On n'entend rien. Alors tout le monde me dit, mais c'est ça qui est formidable justement, c'est le silence. Mais moi, je veux pas une bagnole silencieuse. Je veux entendre le cri du moteur quand je monte les tours. C'est ça qui me faisait bander, moi. Qui me faisait conduire. Il se reprend. Qui me faisait bander, enfin qui me faisait conduire. Enfin, ouais. Et j'en place une spéciale à Akrapovic que j'embrasse. C'est vraiment un big up à Akrapovic. Mais il est génial, c'est exceptionnel. Il adore passer les vitesses. Mais il a vraiment la voix du tonton qui gêne. Ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, il fait beaucoup d'interviews pour dire non, mais c'est un personnage, arrêtez. Bon, par contre, je déteste les voitures électriques. Après, c'est sa ligne éditoriale depuis toujours, quoi. Quand il fait le temps des colonies et tout, fait pas du tout. C'est un personnage. Et tu sais que je suis pour, je savais pas, il l'a joué que deux fois en concert. Ah ouais. La chanson pour la peine de mort, enfin oui, prend la loi du talion, il a dit. Voilà, c'est ça. Il disait j'ai mal choisi le titre. Non. C'est plus toute ton œuvre. Peut-être que t'as mal choisi. Il y a des bonnes chansons. Calme-toi. Les lacs du Connemara quand même. Voilà. Vous êtes en école de commerce, on vous salue. Vous avez bien gerbé là-dessus. Je l'ai vu invité chez Quotidien et il entre sur le plateau et en deux secondes. En fait, t'sais, Barthez, en ce moment, il arrive avec le gel hydroalcoolique à chaque fois pour proposer. Et lui, il lente comme ça, il fait 2 mètres, on lui propose, il fait vraiment un geste des mains comme ça. Ouf, il refuse totalement. Devant les caméras, yes. Ouais. Oui. Après, il précise quand même qu'il s'est fait vacciner, tu vois. Le geste était hilarant, il fait vraiment 2 mètres, même sans encore rien dire. Il y a déjà juste un geste, vraiment, il fait. Juste un truc hostile. Pas que ça fout avec ton gel de merde. Allez, casse-toi, sale. Tu vois, c'était limite, c'était hilarant quoi. Voilà. Un homme a été interpellé sur les routes de Suisse. Quelle infraction a-t-il commis ? Il écoutait Michel Sardou. Non, il roulait. C'est pas une infraction, d'accord ? Il roulait en dessous de la vitesse autorisée ? Pas du tout. Il conduisait à poil. Non. C'est interdit. Il avait un animal improbable dans son coffre ? Non. Ni dans son coffre, ni dans son cul. Une personne improbable dans son coin. Ces roues, c'était des meules émentales. Hein. On est dans le stéréotype. Alors, c'est un cartoon. Non, ce n'est pas ça. Mais tu as dit poursuivi par un quelqu'un coyote. D'improbable. Tu as dit quelqu'un d'improbable, tu n'es pas loin. C'est moi qui ai dit. Mais... Tu l'as dit, pardon. Il transportait quelqu'un d'improbable. Il transportait quelqu'un d'improbable. Bah, Xavier Dupont de Ligonnès, justement. Ils ont dit, là, c'est une star. Une star. Pas une star. Sa grand-mère. Personne recherchée. Une personne morte. Adrien, bien joué. Une personne décédée, malheureusement. Mon pour la personne Dieu. Décédée. Tu sais combien ça coûte, les pompes funèbres et tout? Alors déjà, il faut savoir que l'automobiliste roulait à contresens. Moi, ma chérie, t'es à contresens. L'ont-ils répondu. C'est un homme qui vit en Espagne. Et ce jeudi, peu avant midi, il roulait sur l'autoroute vers la France lorsqu'il est arrivé à La Jonquière, la frontière franco-espagnole. Les policiers catalans contrôlent le trafic, bousculant, l'homme a fait volte-face et est reparti à contresens. La police suisse a parcouru plus d'une trentaine de kilomètres avant d'emprunter la sortie, puis a été arrêté après avoir fait une sortie de route. Il possédait sur le siège passager le corps d'un homme de 88 ans. Le corps ne souffrait d'aucune blessure apparente, mais présente des signes de décomposition avancée. Oh. Voilà, je vous embrasse. Le conducteur avait circulé dans plusieurs pays d'Europe avec ce cadavre à ses côtés. Non mais, assez étonnant. Son dernier voyage. Son dernier voyage. Je voulais voir l'Europe. Bon, allez. Non, mais, on a un peu une justification de ça. C'est genre un délire. Il s'appelait un délire. Ouais, c'était un prank, je crois. Un pari fou. C'était Greg Guillotin. C'est le mec du parking là. Bah, maintenant, je visite tous les pays d'Europe avec un cadavre. Bon, allez, mec, arrête. Ah, il a oublié tu de le jeter, quoi. T'sais, c'est comme quand t'as oublié d'aller jeter les bouteilles en verre. Et puis, non, mais le sac à sapin, tu laisses passer. T'oublies, puis au bout d'un moment, ça fait tellement longtemps que t'as oublié. Ouais, que t'as ce qu'il fait. Ouais, c'est ça. L'enquête et l'autopsie prévues ce vendredi devraient permettre d'en savoir davantage. Pour le moment, on ne sait pas trop pourquoi il y avait ce. Oh là là là. Il a rien dit, le mec, donc. Je crois qu'il a fait. Oh putain, ouais. Oh, je disais que ça. Xavier. Attendez, il est mort. Il a dit quoi? Il est mort. Toujours été très discret, mais là. Mais j'ai pas d'odorat. J'ai le Covid. Avec les masques et tout, on sent plus rien. Vous êtes. Est-ce qu'en voiture, vous êtes plutôt. Vous avez déjà attention à un cadavre. Ah oui. Toi, Jérôme, par exemple, c'est que tu es un fou de caisse. Est-ce que tu as eu des petites histoires en voiture des... Moi, j'ai eu pas mal d'accidents. Hein. J'ai renversé un gosse. C'est vrai. Attends, quoi? J'ai renversé un gosse, ouais. Non, mais... Quoi? Si, si, j'ai renversé un gosse. Mais t'es. J'ai renversé un gosse. Non. À moto, si. Mais t'es recherché. Et t'as pris la fuite. Là, c'est lui qui était à moto. Non, c'était dans mon bled. J'étais encore chez mes parents à l'époque. Attends, et j'arrive à. Je devais aller à un anniversaire en plus. J'ai adoré l'aplomb de. J'ai renversé un gosse. Et j'arrive à un stop avec ma Clio, Clio 1992, écoute, série 1, très bien, bleu, que j'avais repris de ma daronne. Et j'arrive à un stop, et la visibilité à ma gauche est pas très, pas très visible, hein, finalement. Et donc ce stop à l'ancienne, en mode 78, tu connais, on s'arrête pas vraiment. Donc je ralentis presque, si, mais si, je... Si, hein, je crois. Oui, oui, normalement, on doit. On s'arrête, mais hein. Je ralentis presque, mais pas vraiment. Donc finalement, je me dis que la visibilité est bonne, alors que non. Et là, je vais pour repartir, et là, vraiment, t'as une sorte de mini motocross qui débarque sur ma gauche, et BAM! Il te rentre, sur mon capot. Il te rentre dedans, quoi, c'est ouais. Lui qui m'entre dedans. Mais j'ai un peu grillé le stop. Il a fait un stop, hein, attention, oui. Voilà. Bon. Et genre, et je vois une putain de bosse enfoncée sur mon capot. Je fais merde. C'est pas ça et le lui... important. Oui, oui, oui. Non, mais lui, il était là. Il était tout mignon, tout chubby là. Et il dit ah, j'ai tout mal. Attends, juste, pardon, gosse, on est sur quel âge? Ah, je pense, je sais, comme ça, quoi. Non, mais un âge, Jérôme, tu sais bien. 10 ans. 10 ans, ouais. Sur une moto. C'est vraiment un gros. 10-12 ans, ah, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais, ouais, attends, c'était pas un ado, quoi. T'as le droit de rouler sur la route, ça. Eh bah, tu vas voir, c'est pas fini, mon gars. T'as bien eu dans le cul, ce fils de pute. Ah, tu t'es fait du fric dans cette histoire. Il roule en BM maintenant. Et du coup. Bah, il est propriétaire, à ton avis, comment ça. Du coup, il est pas bien, moi, je fais oh non, et tout. Je fais bon, allez, viens. J'ai tué un gosse. Il dit ouais, j'allais là chez mes parents, là-haut. Donc, on remonte la petite rue qui remonte. On va chez ses parents, lui il boite, les pompiers arrivent, les keufs aussi, et ça prend quasiment toute la soirée. Je leur explique le truc, machin, et il se trouve effectivement que les keufs à un moment disent c'était quoi le véhicule, et c'était une petite Piwi motocross, et tu n'as pas le droit d'être sur la route avec ça, tu vois. Donc là, ça me dédouane direct. Et le gars, il avait fracture ouverte, il pissait le sang, et il vide, non, non. Vidait. Non. Non. Morgan n'a ni plus ni moins que dégueulé dans son masque. Non, non, non. De stress. Non, donc il avait des petites béquilles, machin, et je m'en souviendrai des tout. Petites béquilles. Il rend un truc horrible. Bah, tu vois les pompiers. Les petites béquilles Mattel. Ces petits moignons. Les pompiers le mettaient sympa et tout. Et moi, je me souviens, on était chez les darons avec les flics qui remplissaient les papiers. Et je m'en souviendrai toute ma vie, puisque j'étais dans le couloir et je suivais dans le salon de loin le match, la finale de la Coupe de France PSG-Marseille. Et on a gagné 2-1 avec un but de Vicage Dorasso exceptionnel. Et je m'en souviendrai toujours parce qu'il m'expliquait et tout. Et j'étais comme ça. Et j'avais un peu le regard dans le vide. Et je penchais ma tête pour voir le match à travers. J'en avais plus rien à foutre parce que je savais que j'étais couvert. Ensuite, je suis rentré chez mes darons. Par contre, je suis rentré après chez mes darons. Et là, quand je leur ai annoncé, quand je suis arrivé comme ça, et je fais en fait, j'ai eu un petit. Bon, j'ai deux nouvelles. Déjà, la France est qualifiée. Voilà, non, le PSG a gagné. A gagné la Coupe de France. Et Dieu sait qu'avec le PSG de l'époque, c'était plutôt une bonne nouvelle. Mais quand je leur ai annoncé que j'ai renversé un gosse et tout, alors là, il y a eu un délire. Mon père et ma mère m'ont hurlé dessus. Ah ouais. Mais vraiment, ouais, par très peur, quoi. Qu'est-ce cool, qu'il va nous faire Ouais, pas cool. Donc j'ai eu ça, et cette même caisse, quand j'avais pas le permis, je l'ai conduite et je l'ai enfoncée dans un camion aussi. Pas mal. Wow. Donc plein de trucs. Donc, et cette même caisse encore, quand bah, j'allais encore, à la verrière à la fac, bon, on l'a réparée depuis. Je me suis. Alors ça, cette fois, c'est pas de ma faute, mais je me mettais sur la gauche, sur la Nationale 10, et tout d'un coup, je sens que. Boum, je me fais pousser au cul et je regarde dans le rétro et là en mode Mission Impossible, je vois vraiment une moto qui tourne sur elle-même qui... et avec un mec aussi partir comme ça. Donc moi j'allais à la fac, dis-toi. Donc j'étais bien et donc là je tremblais, je fais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait c'est lui qui a voulu me doubler par la droite, tu vois. Moi je me rabattais sur la droite, il a voulu me doubler par la droite. Donc lui il récupère. T'as pas checké le rétro, quoi. Il avait 8 ans. J'ai sur pas la checké. Droite, et, et ouais, et il avait 8 ans. C'est ça qui l'a sauvé. Mais lui il relève sa moto, il dit ouais je dis ça va? Il fait ouais non, c'est bon. OK. C'était Wolverine, hein, pour info. Non mais je pense qu'il savait qu'il était en tort et il a tracé direct. Ah oui. Mais moi par contre j'étais pas bien. Cette vue pareil, elle restera jamais gravée dans ma tête. Quel enfer, hein. Lui dans le dans le rétro qui tourne et qui dit bon, j'ai tué un mec là. Une Beyblade. Donc voilà pour les petits. Ah waouh. Wow. Ouais. Moi j'ai juste. Alors t'as quoi? Vous avez quoi? Moi je tournais un court métrage en 2009, je dirais, donc un truc vraiment. On a été en top line Dailymotion, tu sais, quand t'étais en la une, c'était en un top truc line. De. Line. Tu sais, non mais tu vois, t'étais en numéro 1, page numéro 1. Bon, ça, home page. Ça faisait 500 vues quoi, bien t'étais sûr. Déjà content. Et bref, et c'était un court métrage et un pote est devenu fou. On tirait à balles à blanc dans le village où on était, aïe, comme des gaulements et tout. Ça a tiré les flics et en fait, les flics sont venus. Il a réussi à prendre des images volées. Et ça l'a mis dans une excitation telle, on tournait dans un Chrysler Voyageur, donc je sais pas si vous voyez, c'est genre 9 places. Et les gars sont partis, on était en haut d'une forêt et en contrebas un lac. Et ça l'a rendu fou, je sais pas pourquoi, il a enlevé le frein à main, genre de. Ah putain, trop dingue, il y avait les flics, hop, j'enlève le frein à main, viens, on discute de ça. Je sais pas pourquoi. Mais non. Et la voiture est partie tout droit, tout doucement, puis a accéléré avec la pente et a fini dans le lac. Mec, c'était l'enfer. Et avez-vous à l'intérieur? Non, heureusement, on était sortis, tu vois. Mais genre, la voiture finit dans le lac. Ah putain. Donc on essaye tous un peu de l'arrêter en lui courant un peu après, mec, comme des gogoles. Ouais. Et au final, j'ai pris pour moi. Parce qu'on allait voir mes parents et c'était mon pote qui l'avait fait. Ouais. Et j'ai dû. Mon pote m'a dit s'il te plaît, je veux pas me faire engueuler par tes parents. Et du coup, je suis arrivé, j'ai dit que c'était moi. Et c'est horrible parce que du coup, j'ai pris pour lui. Et c'était la pas caisse moi. De tes parents. C'est la caisse de mes parents. Putain, et un bon pote ça a gardé toute sa vie ça. Ouais, sympa. Et voilà, les darons, ils ont dit quoi? Ils étaient rassurés de voir qu'on avait rien quand même. Ils ont été plutôt sympas. Et puis après, bon, j'ai au bout d'une semaine, quand tout le monde m'a dit ouais, parce qu'il faut qu'on voit avec l'assurance, donc tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé. Hein? Et du coup, j'ai quand même mon pote. J'ai dit non, mais en fait, c'est lui. Voilà. Après, on finit pas un homepage de Dailymotion en faisant rien. Bah, enfin, bien sûr, vois, moi, bah, c'est quand même un court métrage qui a coûté le prix d'une bagnole. C'est quand même pas rien. Morgane? Non, j'ai juste eu un accident de voiture. L'accident est pas ouf, mais il s'inscrit dans une journée destination finale. Où il fallait, tu pouvais pas échapper à la mort. J'étais avec mon père et ma belle-mère en Guadeloupe et on allait faire le volcan qui s'appelle la Soufrière et on avait la vieille Volvo de mon grand-père dont les freins ont lâché dans la descente au retour. C'est vrai que c'est très très destination finale avec le volcan et tout, ça marche très bien. Attends, étape uno parce que là il est 10h30 du mat, donc on redescend, les freins lâchent et on se prend un petit camtar au bout. Bien sûr, ouais. Tout va bien, on n'a rien, le pare-brise explose, machin, mais moi je faisais la sieste, j'ai pas senti, je suis juste tombé par terre. Peut-être le sommeil un peu lourd du coup. Un peu, ouais. Le Xanax. À 7 ans, non, je devais avoir 10-12 ans. Et après, on va du coup à la plage qui s'appelle la plage des bananiers pour se détendre un peu de toute notre petite mésaventure et déjeuner. Et c'est une plage de sable noir, comme elle est sous le volcan, avec les remous de l'activité du magma. Sismique. Ça fait des énormes rouleaux, des vagues, mais noires du coup. D'accord. Donc si tu perds quelqu'un. Et mes parents me prennent chacun une main. Et là, des chats dans une machine à laver. Et je passe, je pense, 3 minutes sous l'eau. Donc j'entends ma belle-mère hurler à la mort parce que c'est bon, je me suis noyée quoi. Ils me retrouvent pas. T'es sous le magma. Enfin, sous le magma. Je suis dans le sable noir et tu vois. Et en fait, je suis ressortie 10 mètres plus loin, genre coucou, tout va bien. Et ça fait des petits tourbillons. Putain, les vagues. Sauf que les petits tourbillons, on s'en fout quand tu fais 1m70, mais quand tu fais 1 mètre, les tourbillons de 1 mètre. Voilà, regardez, ça devait être impressionnant. On est rentré quand même, petite sieste. Et on dînait, je m'étouffe avec un morceau de poulet. Bon. Manœuvre de Brakmar et tout. Ça doit être la même comment famille. De Amish. De Brakmar. Non, celle-là, ils ont arrêté, je crois. Oui, non, c'est la méthode Brakmar. Parce que j'avais Brechtel dans la tête et qui passe à de Amish. Voilà. Ah oui. Et donc ça faisait accident de voiture plus noyade plus petit étouffement au poulet grillé. Donc il y avait vraiment un truc du destin qui voulait que tu cannes. Du coup non. Et je pense que j'ai bien dormi. Ouais, grosse journée. Grosse journée. T'aurais croisé Flaubert et t'aurais dit tu vas bien dormir ce soir. c'est marrant pour revenir sur l'histoire de Benjamin. Moi c'est quand j'ai eu mon accident. Moi j'ai fait mes trois tonneaux en voiture aussi. Et pareil, moi mes parents m'ont engueulé et mon père m'avait fait la meilleure phrase, c'était de dire. Parce que j'étais avec des amis, enfin je conduisais et j'avais trois potes avec moi. Mais accident con, moi j'ai patiné sur le côté, j'ai voulu retourner sur la route, il pleuvait, donc je suis parti en tête à queue. Quoi. Bien sûr. Et mon père, je me souviens, je dis voilà, j'ai eu un accident, mais bon, c'est bon, tout le monde y fait. Tu sais que t'aurais pu les tuer, hein. Et genre, il m'a répété en boucle, t'aurais pu les tuer pendant 3-4 minutes. Genre, tous morts là, les trois. C'est tellement une panique tous de daron. Mourir. La tête coupée là, qui tombe sur tes genoux là. Sur tes genoux, la tête coupée pleine de sang là, de ton pote. Papa, ça va. Donc voilà, c'était ouais, pas mal. Ouais, c'est une petite pression. Petite ouais, j'imagine. Toi, rien du tout, Adrien. Non, rien. Moi, avec ton petit camtar, toi. Non, bon, très bon conducteur. Je très bon conducteur. Enfin, si, non, en fait, je dis ça, bien sûr que oui. Oui, c'est vrai. J'ai tué deux. Non, mais. Ayrton Senna. Moi, faute. C'est ridicule, c'est pas du tout impressionnant, mais c'est juste que mon fameux camtar que j'ai acheté, donc c'est un petit Volkswagen Caddy. Maxi, les amoureux d'automobiles se régalent. Bien sûr. Voilà, que j'ai depuis aménagé et tout, avec un petit lit, etc. Et donc moi c'est un truc dont je rêvais un peu, enfin je rêve d'un van, mais j'avais pas la place, donc j'ai pris un truc un peu plus petit, mais ça reste comme une sorte de minivan. Et donc je fantasmais là-dessus depuis longtemps. Je saute le pas, alors je vais une première fois à, bon j'ai oublié le nom de la ville, mais bon je prends le Paris. Train, je l'essaye machin, je dis bon, ok il me plaît machin, le mec là, je fais les démarches, je reprends le train une semaine plus tard, je vais l'acheter et tout, donc moi je suis trop content. Je prends la route et je m'étais fait un petit planning du genre je vais à tel endroit, je me fais un pique-nique dans la nature, après je reprends la route, je vais dans la montagne, je pionce dans la montagne. Un peu ton spring break à toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et après je vais chez ma sœur à Avignon et ouais. Je me pose machin etc. Donc je prends la caisse et je fais quand même mon petit pique-nique, je reprends la route et je suis sur des routes de montagne. Donc vraiment ça tourne et puis il y a la paroi rocheuse à droite quoi. Et j'entends un bruit chiant. Putain, un de funesse. Ouais. dans mon coffre. Funesse dans le coffre. Un truc genre. Oh. Et du coup je regarde, je me dis, tu sais, j'avais un support pour le téléphone, je me dis ah c'est peut-être ça qui vibre et tout. Enfin c'était plus une vibration que j'entendais en fait. Je me dis ah c'est ça qui vibre, donc je le tiens, c'est pas ça et tout. Et ça m'obsède un peu comme un con alors qu'on s'en branle. Et donc je commence un peu trop à chercher, mais ça faisait 3 heures que j'avais acheté le truc. Hein. Et donc je commence à regarder, et je, évidemment comme un con obsédé, je regarde genre... En roulant. Bah, je regarde plus la route du tout ouais, en fait. Et je relève la tête et il y a vraiment la paroi, le mur devant moi. Ah, quoi. Et j'ai braqué. Mais je crois que je l'ai déjà raconté en fait dans un flot de casse. Mais pas grave. Et du coup j'ai vraiment juste... T'as frotté. J'ai frotté, j'ai pété le rétro, j'ai pété une vitre, j'ai bien rayé l'aile. Oh non. Et... il y avait évidemment, sinon c'est pas drôle, un petit. Non, il n'y a pas d'enfant. Mais non, mais moi, à ce jour, je suis. Je sursaute en m'endormant en me disant j'aurais pu juste buter quelqu'un, quoi. Je regardais pas la route, donc horrible. Franchement, il n'y avait personne. Non, ce qui est là où c'était évidemment le petit plus, c'est qu'il y avait une sorte de petit fossé en fait. Donc en plus, je ne pouvais pas repartir, quoi. J'étais à mi-chemin et tout. Et donc j'étais. Donc je sors de la caisse, je hurle. Je fais putain la montagne vraiment tellement avec, énervé avec quoi. L'écho ouais ouais et là il y a un gars qui arrive mais c'est trop drôle au final c'est plutôt un bon souvenir mais le mec arrive avec un sidecar donc déjà tu vois ça nulle part il y a une jeune connerie ouais c'est il s'arrête il fait ah putain ça va et tout donc je dis bah non je viens de me foutre dans le fossé et tout. Il dit ah bah attends y a un vieux au-dessus là il a un tracteur vas-y il va t'aider et tout vas-y je monte je t'emmène donc je dis ah bah trop cool drôle. Et tout je monte dans le sidecar sans casque et le mec il fait par contre c'est toi qui lui parles parce que moi je suis défoncé et il démarre génial. Donc je fais oh putain double trop accident drôle. Et au final bon effectivement c'était vraiment juste à côté il y avait un gars qui habitait là avec un tracteur et donc vraiment j'ai dit ouais je suis dans le fossé là, on m'a dit que vous aviez un tracteur, mec, aucune hésitation, le mec fait ok on y va, hop, il prend son tracteur direct, il m'a sorti. Mais ça c'est les gens en dehors de Paris. Hein, et la vibration la c'était main. Quoi J'ai jamais su. Et il y en a plus depuis. Mais c'était peut-être le rétro, tu vois, tu l'as arraché, comme ça c'est réglé quoi. Mais du coup je m'étais fait j'ai attaché mon rétro qui pendouillait avec un tendeur. Moi je serais revenu voir le vendeur, t'as le droit à 15 jours de rétractation. Comment pouvez-vous me vendre ça? Plus de rétro, plus le. J'avais pas vu tout à l'heure, mais là, ça me saute aux yeux maintenant. Ça tient pas votre truc là quand on rentre dans un mur. Un Anglais a vendu un objet en or ayant appartenu à une star plus de 300 000 euros. Michael Jackson? Non, pas du tout. Le mec de la boutique d'ailleurs qui a fermé. Ah ouais, quelle tristesse. Alors, King of Pop. C'est pas vrai? La boutique King of Pop, bien sûr. Alors j'explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une boutique qui est à Grand Boulevard, intégralement dédiée à Michael Jackson, mais. Absolument pas dédié à Michael Jackson quand tu rentres dans la boutique. Bien sûr. C'est la devanture. Ah pas, bon Bah non, en fait, c'est ça, il appâte le client. C'est un kebab. Mais non, mais tu rigoles. À l'intérieur. Avant, il faisait Biggie et Tupac ou juste Biggie, je sais plus. Ouais, et après, il est passé quand il y a eu Michael Jackson, la mort de Michael. Il a fait. Oh, ah, je crois que c'était. Il y a peut-être un filon là. Et il est passé à Michael. Sérieux? Ouais, et il est. Je crois que c'était quand il y a eu le bad buzz. Non. Fait, attends, là, je flaire un bon truc là. Non, en gros, c'est une arnaque. Ça a devenu une boutique Richard Berry d'ailleurs. Non, mais en gros. C'est du Sveltes. C'est. En gros, quand tu vas sur les avis Google de la boutique. Il t'explique, enfin il y a plein de fans de Michael Jackson qui disent oh génial, il y a une boutique Michael à Paris, et ils y vont, et en fait apparemment il y a que la vitrine, là je suis devant une critique qui dit il n'y a aucun article relatif à Michael Jackson, la vitre est une arnaque visuelle, cette boutique surfe sur les modes perdus, le patron est un psychopathe complètement perdu, attention aux prix indiqués sur les vêtements, ce ne sont pas les prix à la caisse, exemple j'ai pris un article à 5€, une fois à la caisse il me l'a facturé 19€. Oh, Bernard Madoff. Oh, les hautes sphères de l'arnaque. Sachant, attends, il y en avait une que tu m'avais envoyé. Il y en avait plein. Là, il y a une meuf qui a juste mis en avis Google. J'avais porté plainte auprès du service des fraudes. Article R635.2 du code pénal. Donc, comprends qu'il est fermé du coup. Ouais, ouais, non, mais apparemment c'est un arnaqueur. Et apparemment, il explique qu'il y a un tournage. Et en fait, c'est drôle quand tu regardes les avis Google. Il dit tout le temps non, mais là c'est en bordel parce qu'il y a un tournage dans ma boutique. Ah, il est peut-être un peu dans son monde. Ouais, bien sûr. Non, ça me fait de la peine. Moi. Il a un petit univers bien à lui. Non, mais, avait. Il avait. Mais ça te fait de la peine, mais sache qu'il était quand même un peu violent aussi. Là, par exemple, quoi, lors de la fin d'un petit voyage entre amis, nous étions intrigués par ce magasin flashy. Nous observions la vitrine extérieure depuis 5 secondes quand soudain, un homme est sorti en brandissant un balai pour nous chasser et nous a dit de partir. Après avoir vu les avis, je me rends compte que cet homme était plus que spécial. Oui, c'est vrai, on peut dire qu'il est plus que spécial. Le meilleur commerçant, genre tu regardes sa vitrine et il te dégage avec un balai. Avec un fusil. Vendeur sous speed, nous hurle que tout est à 5€, nous force à essayer une veste, il hurle les vêtements sont à 5€ et veut nous virer, car il ferme pour un tournage. Or, des avis il y a quelques mois disaient qu'il faisait déjà un tournage. Je conseille de rentrer dedans pour rigoler, mais ne restez pas longtemps, il est dangereux. Bon voilà, écoutez. Non, mais j'ai envoyé un mec dans cette boutique. Mais je vous conseille les avis Google d'un caviste dans le 18e qui s'appelle Vinum Picantum, qui est du vin naturel, et j'y vais tout le temps. Ah mais ouais, en fait, le mec est il est très énervé. Non, mais il est assez spécial, donc il peut être très sympa, mais je pense qu'il est hyper cyclotimique. Et les avis Google sont incroyable. Et tu as été toi vraiment dans la boutique? Mais j'y vais tout le temps, et moi il est sympa, mais tu sens qu'il peut vriller si tu lui demandes un conseil de trop quoi. Le premier qui date d'il y a 2 semaines est pas mal. Vendeur très désagréable, le trait est en capital. Je me suis fait raccrocher au nez car j'appelais en masqué. Bon. Non mais t'en as, j'ai envie d'écrire un recueil de livres des commentaires. Je me suis fait hurler dessus et renvoyer du magasin car j'ai osé demander la différence du goût entre deux vins. Inutile d'être commerçant si vous ne pouvez transmettre votre savoir-faire et conseiller un minimum sur les vins que vous proposez. Et en fait, ce qui est génial, pardon, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il répond parfois. Ah, et il t'insulte, espèce de sale enculé. Ça, c'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien. Moi, j'en profite qu'on parle des avis Google parce que j'ai une théorie. Parce que vous savez, dans les avis Google, il y a les gens qui sont local guide. Je sais pas si vous avez vu, c'est les gens qui ont donné tellement d'avis qui sont genre certifiés. Et je pense qu'il y a une arnaque. S'il y a des journalistes qui nous écoutent et qui veulent faire une enquête, d'accord, je pense qu'il y a une arnaque, genre des mecs qui se font des local guides qui se font payer pour mettre des avis positifs. Parce que je lisais les avis d'un Carrefour. Voilà. Parce que je vois qu'il avait une sale note, je me dis quel Carrefour a une mauvaise note. Et y avait beaucoup d'avis de gens qui disaient ouais, le personnel est désagréable, machin, les gens. Enfin, beaucoup, beaucoup de commentaires. Et au milieu de tous ces gens qui disent que le personnel est désagréable, un mec qui est local guide et qui dit accueil de fou. Déjà, n'importe quoi. Ouais. Dans un Carrefour. C'était peut-être l'époque des libdubs. Ouais, c'est ça. Le mec s'est pris une chorégraphie sur Happy. Le mec, mais accueil de fou, tous ceux qui y travaillent sourient. C'est Christian Clavier. Un bonheur. Faux, mec. Je pense que le Carrefour qu'il a payé pour avoir un bon avis positif. Et peut-être qu'ils sont défoncés. T'en as fait des caisses, mec. Ouais. Mais moi, ça m'est quand même arrivé une fois, fermeture de porte, oublie la serrure, etc. Et du coup, je prends celui qui a le meilleur avis Google de serrurier autour de chez moi. Et du coup, je l'appelle, il m'envoie quelqu'un, on s'avère qu'on se fait arnaquer. Du coup, je laisse un commentaire en disant bah, vous étiez sympa au téléphone. Je tombais sur un gars qui était un peu une arnaque. On a payé tant. Et en fait, le gars m'a appelé en me disant non, mais en fait, on a fait appel à un prestataire parce qu'on avait trop de monde et tout. Je suis désolé. Et au final, je crois que avec l'assurance et machin, genre, j'ai récupéré de l'argent. Genre, ah ouais, incroyable. Ouais. J'ai mis un avis au Carrefour City de la place Pie d'Avignon. parce que je m'y suis ouvert la jambe le soir, le soir de la Coupe du Monde, et ils ont été comme ça. Alors les gens ne voient pas, mais vraiment je fais le signe du pouce. Ils ont été adorables. On fait une spéciale le pour vigile eux. M'a fait un garrot avec, avec incroyable. Positif, Tammy. Ah bah oui, je crois évidemment. Que c'est genre, bon, je me suis ouvert la jambe. Soir de la les sneakers, soir de la Coupe du Monde. Donc les mecs ont pas que ça à foutre de nettoyer mon sang. Bah, ouais, parce que j'ai pas voulu prendre de caddie. Après ils auraient été un peu durs de dire excusez-moi, c'est la Coupe du Monde. Sortez. La vie humaine prend le pas sur le football, même si c'est la Coupe du Monde. C'est vrai. Bon, c'était la vie humaine, c'était un point de suture dans le mollet. On était en finale quand même, Adrien. On était en finale. Finale. Non, mais c'est vrai que les avis Google. Après, cela dit, moi j'avais fait un déménagement et c'était pas moi qui avais réservé les déménageurs. Et ma compagne me dit non, mais je m'en suis occupé parce que la charge mentale, je l'ai laissé faire. Bien sûr. Et donc elle l'a fait. Et après, tu l'humilies publiquement sur ton podcast, ta grande écoute. Mais non, justement, là, c'est pour dire que c'est moi qui étais con. Regarde, elle a réservé le truc et le soir avant le déménagement, je regarde les avis Google et je vois 2 étoiles sur 5. Et je commence à dire putain, bon, on va se faire tout voler. Voilà, c'est fini, on va se faire arnaquer. Ils vont péter tous les trucs et tout. Et ils ont été. Sublime, comme quoi les avis Google. Pas mal. Souvent les gens qui se plaignent sont quand même oui, des gens. Quand tu prends enfin, le temps, les gens qui notent sont les gens qui se plaignent souvent quand même. Donc des fois ça veut un peu rien dire. Ouais, allez chez le docteur Guigui. Voilà, qu'on embrasse. Je regarde jamais, mais je regarde systématiquement sur les restos japonais parce que j'ai tellement peur d'être malade à cause de son. Et quand tu quand t'as mangé des sushis. Non, parce que c'est cru. Oui, quand t'as mangé des sushis, tu commences à être pas bien du bide. Ouais. Et que tu dis, je vais aller voir les avis et que tu vois un avis sur 10. Avec les... On a vomi J'ai perdu ma mère. Tu sais que ta nuit, elle est foutue. Mais, quoi. Moi, je mets donc souvent, c'est important quand je même. Je mets souvent très longtemps à choisir sur Uber Eats parce que tu sais, tu vois les notes qui sont pas les mêmes. Je vais sur Google, taper le nom du resto dans Uber Eats pour voir les avis. Et comme ça, je perds un temps fou. Parce que de temps en temps, une note pas trop mauvaise sur Uber Eats, tu rentres dans Google et tu vois 3,1 chevaux. Ouais. Oh là, putain, j'étais à deux doigts là, il y avait le panier et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et souvent sur les Japs, en vrai. Hein. Souvent sur les Japs. C'est vrai. Moi, j'adore les Japs. Donc, Vous laissez des avis. Enfin, à part quand tu t'ouvres la jambe, vous laissez des avis sur Google, sur les trucs. Mais moi, en fait, je laisse quand c'est particulièrement bien. Ben ça c'est bien. Moi, c'est bien. C'était ma résolution de je sais plus quelle année. Quand c'est tellement bien qu'il faut le souligner, tu vois. Je le dis. Je l'ai fait deux fois. En fait. J'ai fait deux fois moi. Je m'étais dit ma résolution c'est je vais mettre des avis quand c'est bien et je l'ai vraiment fait. T'as fait sur quoi tu te souviens? Oui, c'était je venais de m'acheter un iPhone et je me dis je vais pas me faire carotte en achetant la coque Apple qui coûte 80 balles. Je suis allé dans une petite boutique pas loin et le mec était très serviable et j'ai dit oh, trop serviable. Voilà. Bah on a un ami commun que je ne citerai. Ah quoi qu'attends si il a changé d'adresse donc on peut dire son nom. Ah oui, Axel. Oui, Axel Malivernet. En fait, il avait sa société donc du coup tu pouvais mettre des avis sur la société. Mais c'était pas Coloc. C'était de rue de Lindre, c'est ça. Oui, exactement, ça, exactement. On était en coloc et donc du coup tu pouvais laisser des avis sur Axel Malivernet. Ouais. Et donc en fait, si vous allez sur Axel Malivernet, il y a plein de gens d'un peu de YouTube qui ont mis des quatre. C'est Adrien, moi, Timothée Hochet et je sais plus qui donnent leur avis sur Axel. C'est drôle. Donc à la base il y avait un jeu, c'était un anglais qui avait donc vendu un objet en or ayant appartenu à une star. Ouais. Mais vous savez quand on s'amuse, non, mais on oublie. C'est des belles digressions. Il est bien ce podcast. Hein. On est bien. À votre avis, quel objet? Comment on a bouffé ça? Enlève tes pompes, attends. À votre avis, quel objet et quelle star, sachant que petit indice, l'objet d'habitude n'est pas en or. Là c'est un objet en or, mais c'est pas un objet qui normalement est en or. Un truc à Elton John? Pas un truc Elton John. Est-ce que c'est genre une sorte de prothèse? Pas du tout. Que Benjamin aurait arraché. Je me souviens pas. À combien il l'a vendu? 300 000 euros. Alors, question, est-ce qu'on a plutôt intérêt à trouver le type d'objet d'abord ou la célébrité d'abord? Alors, là où je suis un peu une sale ordure, et tu peux le dire, regarde-moi dans les yeux et dis-le, je t'en supplie. Non, j'ai. ça n'a rien à voir en fait. L'objet et la star sont deux trucs qui ne sont pas liés, tu vois. Bon, donc, c'est pas des lunettes pour Elton John, par exemple. Est-ce que c'est un chanteur? Est-ce que c'est un homme? C'est une femme. Anglaise? Anglaise. Chanteuse? Chicago. Pas chanteuse. Pas la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Ok, c'est un objet extrêmement vite. Un collier ayant appartenu. Ce n'est pas un collier de chien. Un peigne. Pas un peigne. Un point américain. Pas un chapeau. Génial. Un grise. La revendu. Sachant que c'est un objet, encore une fois, dites-vous, assez éloigné de la reine d'Angleterre. Enfin, un gun. Une planche de longboard. Non. Ça serait si stylé. Un tournevis. Non. Assez éloigné de la reine d'Angleterre. Assez éloigné d'une mamie de 94 ans. Oui, voilà, c'est ça. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Une guitare ? Non. Un masque ? Non. Un instrument de musique ? C'est pas un instrument de musique. Un truc un peu délire ? Un truc un peu délire. Un truc... Bill Bokeh ? Non, mais on est dans ce domaine de l'amusement, du jeu. Une balle de cricket ou un... Non. T'as dit quoi ? Un yo-yo ? Non, pas un yo-yo. Un peu plus moderne. Un undamaya. Un spinner. Non, c'est pas un spinner. Un téléphone portable. La vieille personne. Un téléphone portable. Vos toc-toc, là, l'application. Non, pas un téléphone portable, mais tu te rapproches. Technologique ? Assez récent. Un Tamagotchi. Pas des AirPods, pas des Tamagotchi. Un iPad. Non, oh. C'est pas loin. Un cordeau aussi. Un laptop. Non. Non, moi. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui possède un écran ? Non, mais un pour tom-tom. L'utiliser, il faut un écran. Un TomTom. Une clé USB ? Non. En or. Il faut un écran pour l'utiliser. C'est un peu un de la stylet. Technologie. Un stylet. C'est de la technologie et c'est du jeu. Une Game Boy ? Un Game Gear. Une PSP. Une manette. Non. Switch. Switch. Vous l'êtes presque. Oh. On est chez Nintendo. Portable, la Wii. Là, une Wii U, je crois. Non. Une Wii U. Une Wii en or. En or, or qui appartenait à la reine. Non, n'importe quoi. Non, mais. C'est clair. C'est une info, là. C'est clair. Tout ça pour ça. C'est pas. Chie-moi la gueule. Ah, c'est pas une Wii U. C'est une Wii tout court, pardon. Même la reine d'Angleterre a dit la Wii U. Non, mais. je la revends. Non, c'est une Wii normale, pardon. Une édition unique de la Wii est actuellement en vente sur eBay. Alors, est-ce qu'elle est encore ? Je vais regarder. Pour $300,000, environ 2 Moi, j'aimerais bien la voir. Écoutez, elle est toujours en vente. $300,000. Moi, je l'avais amené la mienne qui n'était pas en or à Golden Moustache et puis j'ai jamais revu. La console Nintendo est recouverte d'or 24 carats sur toute sa surface. C'est Nintendo qui l'a fait pour la reine. Genre. L'objet exceptionnel était un cadeau pour la reine Elisabeth II. La console, en effet, était conçue en 2009 dans le cadre d'un coup de publicité pour promouvoir le jeu. Alors attention, totalement culte. Big Family Games, une truc de merde avec des raquettes et des. La Wii. THQ, l'éditeur de cette compilation, voulait permettre à la souveraine de jouer à Big Family Games avec une Wii d'exception. Donc c'est pas Nintendo, c'est THQ qui l'avait offert. À l'heure actuelle, on ignore si Elisabeth II s'est servi de la console ou même si elle l'a reçue. Toujours est-il qu'en 2017, la fameuse Wii est arrivée chez ce collectionneur, Dolly Fillerup. Voilà. Il l'a mis en vente pour s'acheter une baraque. Tout simplement. Vous avez, vous, un objet, si vous deviez nommer votre objet le plus précieux, l'objet le plus précieux que vous avez chez vous, le truc. Ça peut être un truc très cher ou pas du tout, hein, un truc qui a du sens. Un truc précieux. Toi, je sais que c'est ton 4 camion, mais c'est pas. Moi, par exemple, pour lancer la conversation, je ramène bien pas sûr. Ça à moi, mais c'est juste, j'ai des notes du film Funny People, par exemple, chez moi, qui sont les notes d'Adam Sandler, sur un truc qui s'appelle Prop Store, qui est en fait un site qui récupère des objets d'accessoiristes sur des films. Okay. Donc tu tapes ton film et il y a plein d'objets. C'est génial. Est-ce que la personne qui t'a conseillé ce site, c'est un mec qui dit « Bon, voilà !» Exactement, c'est ça, c'est Jean-Baptiste. De Tales from the Click. Non, je sais pas. Non, oh, j'ai rien. C'est pas grave, c'est pas... Si, j'ai des trucs sentimentaux, quoi. Mais, oui. Genre, qu'est-ce que tu sauves d'un incendie, quoi. Oui, c'est ça. Bah, moi, quoi. Mes poumons. Je m'adore, moi. Non, mais moi, c'est pas si vous avez une rien. Une pièce mérovingienne qui appartenait à mon père et que j'ai. Je sais même pas où elle est d'ailleurs. Mais. Ça a vachement bien commencé. On a trouvé ça trop mignon. Et ça a fini. Bon, par contre, c'est aux chiottes. Non, elle doit être quelque part. Mais... J'ai la première licence de pilote de ligne de mon père. Ah, wow. C'est très stylé. Mignon, ouais. Pas mal. C'est très stylé. Jérôme, bah, moi, je suis une montre. Attends, c'est représenté comment une licence de pilote de ligne ? C'est une petite carte. C'est juste une petite carte. Ouais. Tu l'as. Tu vas en faire une fausse. Mais tu l'as encadrée et tout. Pas du tout. Elle est dans une boîte à cigares. Cigares. Ouais. J'ai une boîte à cigares où il y a des pièces. Arrête d'être étonné. Tu tires le fil. Exactement. Non mais je tire les infos et tu vois, on va arriver à un truc bien, maman. moi, j'ai rien. Jugeant sur ton anecdote, du coup. Ça va finir par être bien, cette anecdote. Non, moi j'ai aucun. T'as aucun objet, toi. J'ai pas d'objet, moi. C'est très épuré. T'as une peinture, t'as un original. Ah, c'est vrai. Merci. Il me le dit, ouais. C'est lui qui me dit. Oui, j'ai une peinture de Philippe Vallette, du personnage de George Clooney qu'il a fait. Pas mal. Ah, allô. unique. Et t'as quand même une belle, bande, belle d'arcade. Bande d'arcade aussi. Et une belle bande. Bah, il est en train de. C'est vrai. Oui, bah, bon, bah, t'es nul, mais toi. j'ai rien, moi. Et une borne d'arcade que j'ai fait de faire maison JCVD. À l'effigie de Jean-Claude Van Damme. Pas mal. C'est vrai. Merci, bah, merci Adrien. Bah, je t'en prie. Non, moi, je sais pas. Je réfléchis. Je crois que j'ai. Tes chaussettes. Mes chaussettes, déjà. Côte de bœuf, effectivement. Non, j'ai une lithographie d'une affiche de Bruce Timm, les Batman. Bien sûr, le Joker, Smiling Fish. Que t'as trouvé où ? Que j'ai trouvé sur eBay, figure-toi. Mmh. Voilà, avec le certificat, avec le certif. Ah. J'ai la certif. et un autre truc de Joan Cornella, j'avais acheté après une litho aussi, mais pour. Qui était après chaque tournage, je me fais un cadeau. Tu vois, je me dis, bon, allez, vas-y, je pète un petit billet. Chaque truc, c'est pour. C'était 20 000, tu m'avais dit. 20 000 boules. Non, c'était. Ça, on passe en pécho. C'était des trucs. Non, c'est toujours. Il nous fait croire qu'il est en chien. T'inquiète pas. Non, c'est toujours assez accessible. Mais je crois que le truc que j'ai le plus cher, quand même, que je me suis offert, j'avoue, c'est une montre. Alors ça tombe bien, parce que. Ça tombe bien. Ouais. Non, je voulais juste. Moi, je. On est avec Jérôme. Ça tombe 1h minuit. Non, mais ça tombe bien. Jérôme est surpris. Mais moi, j'ai jamais été attiré ces délires-là de montres. Non, mais je comprends. Mais c'est un truc. Mais ça me fascine de ne pas l'être et les gens qu'ils sont. Je vois. Mais en fait. Ça va. En fait. Ça va. Pour tout te dire, pour aller vite fait, je fais très court. Mais avec mon frère, quand on était petit, on était tombé devant un magasin Swatch. Et il faisait pour les collections 007, il faisait des montres. Ah. Et en fait, ils avaient fait une version un peu Reverso, tu sais, où le cadran se retourne, 007. Ah là, je comprends. Donc ouais, il y a un et du coup, je kiffe ça. Et puis après, je vois les vrais Reverso, j'agère le coup de ça s'appelle. Ah. Donc je vois, je fais, ah ouais, c'est pas le même prix, mais j'avoue, c'est un bon délire. Et du coup, je me renseigne et tout. Et mon frère, pour mes 30 ans, m'offre la Swatch Reverso 007 que j'ai mis pendant des années et tout, et plus tard, donc là il n'y a pas longtemps, je me suis offert la vraie Jaeger 20 000 aussi. Voilà, non, si, mais si, que j'ai acheté en. si, c'est 20 000. que j'ai pas acheté en boutique, que j'ai racheté sur une boutique où tu peux racheter à des gens des montres, donc je ne l'ai pas acheté le prix. Un truc volé. Voilà, un truc volé. Ouais, mon frère m'a offert ça, j'étais très content. Une belle histoire. Je l'aime. Belle histoire à 20 000. Voilà. Il s'agit du flow de cast. Avant de passer aux questions des auditeurs, parce que j'ai annoncé aux auditeurs que vous étiez venus, ils avaient pléthore de questions. J'ai un petit jeu assez rapide. Je qui dure longtemps. Non, okay. Parce que Benjamin, c'est la première fois que tu viens. Tout à fait. Podcast. Merci pour l'invitation. Tous les autres, c'est toi, c'est la cinquième fois que tu viens au moins. Trois. Marianne, t'étais venu. Il y a eu déjà d'année. Deux épisodes Groom. Ouais, voilà. Deux. Une à l'ancienne chez toi. Une chez moi. La grande classe. Ah oui, bon, ça fait cinq fois. Et je sais que Benjamin partage avec notre émission un amour un peu des animateurs télé un peu désuets. C'est vrai. Je suis un très grand fan de Vincent Lagaffe, entre autres. Le jeu est le suivant. Je vais vous dire des titres d'émissions télé 90s 2000. Oui. Ouais. À vous. Alors, soit vous vous souvenez quel était le concept, soit via le titre, vous essayez de deviner quel est le concept du jeu. D'accord. Par exemple, si je vous dis Strike. L'émission de Glagave. Stars qui jouent bowling. Oui, bien sûr. Alors, c'était même pas des. Si, c'était des stars ? Non, c'était pas des. Ah ouais. C'était pas. Ah, non, je crois pas c'était avec Splash. Ouais. Splash, c'était des stars qui plongeaient, exactement. Et Strike, c'était des gens qui jouaient au bowling et qui répondaient à des questions. Il y a dû avoir trois émissions. Hein. Je crois que ça a pas duré très longtemps. Non, mais cette idée n'a aucun sens. Ah, bah, bien sûr. Ils jouent au bowling. Tu bon, c'est un peu léger quand même. Ils répondent aux questions en même temps. Allez, c'est bon. C'est Glagave qui présente. Allez, ok. Donc, si je vous dis, par exemple, l'émission Les 12 cœurs. Bah, c'est 12 célibataires. Alors, c'est lié à ça. Ouais, mais à votre avis, quel est le but du jeu ? Il fallait pas. Les 12 cœurs. Il fallait pas retrouver son conjoint. Ah, si, ça va être ça. Ah, et on voit des parties du corps, non ? C'est pas ça ? Ouais, là. Non. Ça, c'est la fameuse émission anglaise. Où vous avez vu ce truc ? Je fais une parenthèse. Vas-y. Une émission anglaise. Un truc de rencontre, machin, etc. Et donc, par exemple, si c'est une meuf qui cherche un mec. Il y a genre 5 mecs derrière un mur. Et au début, tu vois les jambes du mec. Et après, ça monte, tu vois juste sa tub. Wow. Et t'as vraiment des gros plans beat. Et à la fin, alors je crois que la meuf est à poil aussi. Oui, bien sûr. Et en fait, à chaque étape, elle élimine un gars. C'est woke, t'inquiète. À chaque étape, elle élimine un gars. Et donc là, les pieds, elle fait oh bah lui, les pieds, bof, pas trop, donc lui, ça dégage. Après, les jambes, ouais, oh bon là, là, la bite, bon bah, bah là, ah, je croyais qu'il fallait qu'elle reconnaisse la bite non, de non, son non. mec. C'est, elle choisit ah, son. Par regard. Contre, autre ah, jeu sympa. Un bon oh, ça, doit ça doit exister, c'est sûr. Et on avait regardé ça ici d'ailleurs. Ouais, on l'avait regardé avec Adrien, entre potes. Et évidemment, il y a l'inverse aussi, il y a des meufs. Et encore une fois, c'est très woke. C'est. Mais non, là, ça, c'est pas ça. Ça doit pas être un genre de, effectivement, qui est qui, de, des douze queues, enfin, d'amour, quoi, genre qui va avec qui. Non, c'est un peu ça. Si, si, c'est un peu ça. Est-ce que le chiffre 12 a eu une importance? En fait, je vais vous le dire. Bon. C'était 12, c'est un jeu, quoi. C'est que des gens nous écoutent aussi. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un rythme. Un peu dans ça. Il y a plusieurs jeux à faire à dîner, je te rassure. Il y a 12 célibataires qui ont tous un signe astrologique différent. Oh. D'accord? 6 garçons, 6 filles. Et ils doivent rencontrer l'âme sœur en s'aidant de l'astrologie. Oh, les deux astrologues. Il y a deux astrologues qui interviennent pour conseiller les candidats sur l'éventuelle compatibilité, pardon, amoureuse des couples de candidats qui s'étaient choisis sur base de défis. Striptease, lap dance, des petits jeux ensemble ou des questionnaires. L'astrologie, c'est vraiment aucun rapport, quoi. Et à la fin de l'émission, les candidats devaient choisir par l'expression kiff ou kiff pas, ce qui est une façon jeune de dire j'aime ou j'aime pas. Ouais, bien sûr. Il faut savoir qui présentait, par contre. Alors, ouais, moi aussi. Voulez-vous connaître l'animateur? Son nom de famille, c'est Lacoste. Son prénom, Vincent. C'est Jean-Pascal. Jean-Pascal Lacoste. L'agitateur. L'agitateur. Ah, d'accord, oh, putain. Oui, bah, c'est pas juste Jean-Pascal. Non, mais c'est... juste le prénom, j'aurais su qui c'était. Mais le nom de famille m'a foutu dedans, quoi. C'était Jean-Pascal, effectivement, assisté de Claire Jazz. Mais ça, j'ai oublié qui c'était. Si, moi, je vois. La sœur de Jean Jazz. Je vois, je vois. C'est ma vibe. Comment tu dis, moi, j'ai envie d'aller chercher Claire Jazz. Claire Jazz. Et cette émission avait fait le buzz parce qu'on avait pu y voir Zaya dans l'émission. Ah. Oh. Et oui. Et un cœur à prendre. Avant l'affaire. Enfin, avant Ribéry. Qui est Verseau. Nos amis Verseau seront au courant. Savez-vous quel est le jeu Harry? Juste le prénom Harry. Harry. Alors, est-ce que ça a un rapport avec le présentateur Harry Rosemack? Bah, je sais pas. Ah non, non, rien à voir. Avec Harry Potter? Non, rien à voir. Harry? Moi, ça me dit complètement quelque chose. Alors, attends. Ça s'écrit comment? H-A-2-R-Y. Est-ce que. Comme c'est pas une voix off, le Harry en question? Alors voilà, si. Attends, c'est... Le mec est une Bible. Si, il me semble qu'il y a une histoire comme ça. À la manière un peu du Big Deal qu'avait effectivement Bill ou Crésus qui avait le squelette. Bodobi Vincent, Bodobi Vincent. C'est Bourville du Big Deal. Bourville du Big Deal. Beaucoup trop de titres là, putain. On devrait pouvoir faire des épisodes c'est où ça affiche un titre aléatoire à chaque personne. C'est mon ami Vincent. Pour info, la personne qui faisait la voix de Bill du Big Deal travaille à l'Apple Store de La Défense maintenant. Voilà. C'est pas vrai. Et vous pouvez lui acheter un bon téléphone. Ouais, ouais. Si parce que quand on a fait. Alors si vous appelez Vincent, c'est 100%, c'est trop bien. Voilà. Donc quand on a fait le Floodcast raconte, on m'a dit le mec qui fait la vraie voix travaille au. Il peut nous faire une petite ristourne si on. On peut le payer. Et tu veux dire qu'il peut te faire un big deal? Oui. Oh une patate, tu vois, je vais te la mettre parce que je t'aime. Éclate-moi l'arcade en fait. Donc effectivement, c'était cette mode de l'époque où l'animateur jouait. Il fallait deviner qui c'est, se cachait derrière Harry, non, ou un truc comme ça. Alors non, c'est alors. Non, Harry, je peux vous donner. Calmos, quand même. Pardon. Non, mais déjà, je vais vous donner un indice, c'est un jeu France 3. Donc le gain maximal est effectivement de 2000 euros. C'est France 3. Parce qu'évidemment. Et, trois régions. Et c'était présenté par Sébastien Follin. Ah oh. Bien sûr. Qui doit encore une fois bien se marrer là-haut avec Coluche et Desproges. Attends, il est pas mort. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sébastien Follin, puis ça a été. Ah non, pas du tout. J'allais dire Cyril Ferraud, mais non, pas du tout. Cyril Ferraud a fait une autre émission après. Et Harry, donc c'est effectivement quelqu'un qui joue avec l'animateur, mais à votre avis, c'est quoi Harry? Ou c'est qui Harry? C'est pas un extraterrestre, c'est pas un robot, mais t'y es presque, c'est une. Une intelligence artificielle. Exactement. Et en fait, il fallait battre Harry au fil des questions, puisque c'était un quiz, parce que c'était France 3. Et donc, tu devais battre Harry. Et il y avait un truc un peu sympa entre Sébastien Follin et Harry. T'avais envie un peu Phantom Force, mais avec. Mais on est d'accord que intelligence artificielle, c'était un gars en régie qui appuyait sur des boutons. Quoi, oui, bien parce sûr. Que vraiment, ah, mais je vous invite à regarder. Et sinon, tu perds. Et je vous invite à regarder l'animation d'Harry, qui est. C'est futur. Combien d'émissions? Il y a eu combien d'émissions? Ah, je crois que ça a duré assez longtemps. Ça a duré assez longtemps. 20 jours. Je t'avoue que je viens de cliquer sur la petite croix de l'onglet, donc je l'ai plus, mais, mais ça a duré assez longtemps. À votre avis, quelle était l'émission Le Brisqueur? Bon, le brisqueur. Non. Le brisqueur. Ça, c'est un truc de couple. M6. Alors, sachez que c'était diffusé étonnamment sur France 2. Le brisqueur. C'est présenté par Sandrine Quétier. Donc est-ce que c'est un truc qui prend un peu le contre-pied des émissions de séduction, de rencontre ou... Exactement. Pas mal. Le concept, que... sachez que le concept, c'est ça. Je l'aime un peu bien. Non, moi je l'aime un peu bien. Il est pas trop. Ça va, je l'aime bien. Donc est-ce que c'est genre des gens qui viennent en croyant participer à une émission de séduction et en fait on leur crache la gueule. Ils divorcent. Et on les gifle pendant 25 minutes. Le brise-cœur. Non, t'étais pas si loin. C'est les ex, tu revois les ex? Non, pas du tout. Non, c'est en fait. Est-ce que je vous donne des petits indices? Oui, allez, c'est avec des célibataires. Ouais. Et parmi ces célibataires, il y a. Il y a des faux candidats qui sont là pour. Foutre la merde. Exactement. Alors en fait, il y a un faux candidat. Le 113. Okay. Le 113 fout la merde. Il y a un faux candidat qui est donc le brisqueur qui lui en fait est déjà en couple. Et si la nana célibataire choisit un amoureux qui n'est pas le brisqueur, elle gagne un voyage avec l'amoureux qu'elle a choisi. Mais si elle choisit le brisqueur. Le brisqueur part en voyage avec sa meuf ou son mec. Ah, pas mal. Tout le monde est gagnant. Pas mal. Pas mal le concept. C'est en mignon. Vrai. Ouais. Bon, un peu triste pour la meuf, enfin la personne qui participe. Qui... Bah, si elle perd, mais si elle gagne. C'est fait de manipuler. Oui, mais non, mais pas vraiment, parce que tu dois savoir. Oui. Mais ça doit être quand même assez simple. Sachez de tromper. Ça n'a pas de croire que tu es pas en couple. Mec, non, voilà. Bah, je lui fais confiance. Sachez qu'il y a eu 15 émissions, donc c'est pas, c'est pas un gros succès. Peut-être gros... pour les raisons qu'on est en train de dire, très facile. À votre avis, quel était le jeu, le mur infernal? Ah, fallait pas casser des petites briquettes en répondant à des questions. Non, c'est des stars ou des personnes dans un mur. Ah oui. C'est ça? Non, attends, à Coulomé, il y avait pas autre chose à faire. Tout me plaît là. Si, t'avais plein de gars en pupitre sur effectivement un gros. Mais des gens lambda. Des gens lambda, ouais, peut-être. Corps de métier. À l'américaine. Et t'étais seul contre le mur. Alors non. Oh putain. C'est pas ça, non, je comprends. Ça, c'était l'émission sur TF1 avec Benjamin Castaldi. Mais c'est pas l'émission où dans un épisode de Friends, Joey il y va. Alors je sais pas. Quand il est acteur, ils sont tous dans non, un. Non, ça c'est. Ça c'est ce que tu disais. Non, toi c'est toi qui dis le. Tout le monde. Toi c'est. C'est. Pyramide, non. Non. Putain, c'est le truc. Le mur. Oui, ça c'était Castaldi. Ça c'était Castaldi. Ah, c'était sur la rue. Okay, non, c'était pas ça. Là, le mur infernal, le c'est. Le mur. Tout le monde criait. C'est quoi? Alors la question. J'ai un truc comme ça. J'ai des souvenirs. Le mur infernal. Le mur infernal, c'est beaucoup plus débile. Hein. Attention. Hein. C'est sur TMC. C'est présenté par Laurence Boccolini. Il y a des chutes. Faut pas juste escalader un mur. Non. Donc il y a des gens dans un mur. C'est ou pas adapté. Ah, oui. Ça va vous donner un petit indice. Des gens, de qui est-ce? Non, c'est adapté. Cliffhanger, le film. C'est adapté d'un jeu japonais. Donc, jeu japonais un peu fantasme. Bon, c'est pas les trucs comme les taupes, le jeu de la taupe. Il y a des trucs qui sortent du c'était mur, pas le truc des briquettes, et tu dois taper comme une piñata. Non, c'est pas ça. Taper, tu dois taper. La cagnotte au milieu, ou je sais pas quoi. Non, ça c'était. Non, mais il doit y avoir de l'humiliation physique un peu, j'imagine. Il y a un peu d'humiliation. Il y a des mecs en slip dans un mur, tu dois leur tirer une balle dans les couilles. Non, mais. Enfin, c'est un peu cliché sur les jeux japonais, mais ceux qui nous parviennent jusqu'à nous sont souvent. Il y a des culs qui dépassent des. Non, alors c'est pas. Est-ce qu'il y a des choses qui dépassent du mur? Alors il faut. Je vais vous expliquer ce que c'est, parce que ça prend un peu de temps. Ça a l'air dur à deviner. Ouais. C'est une adaptation de l'émission japonaise Human Tetris. Déjà un petit peu. Ah oui, c'est un mur. Le but est de passer un mur en prenant la forme dont il est coupé. C'est-à-dire que mais j'avais un grand mur. Si c'est une forme un peu comme en serpentin, tu dois traverser le mur en te mettant ton corps en serpentin sans toucher les parois. J'ai vu des images de ça. Le mur peut être passé par une ou plusieurs personnes à la fois avec un objet de face, de profil ou de dos à chaque manche, 4 au total. Les façons de passer les murs variaient, de plus en plus difficiles. Et si le candidat ne passait pas le mur. Ah oui, donc c'est plus des murets, quoi. Moi si j'avais un truc hyper grand en tête. Ouais, toi t'avais un T2, je crois. Game of Thrones. Si le candidat ne passait pas le mur, il tombait dans une piscine, dos à la zone d'impact. Donc voilà, un peu. Mais ça dure combien de temps c'était? Enfin, je veux dire, t'en regardes 3, c'est fini, ouais, quoi. Tu fais, ouais, bon, remarque, on a regardé longtemps Interville. Bon, y avait, mais c'était... non. Tu vois, par exemple, c'était comme. Moi j'avais regardé un peu Floris Lava, là. Et je me suis dit, putain, trop cool. Et tu sais, tu regardes une émission, tu fais, ouais, c'est gaulerie et tout, faut pas toucher la lave. Deux émissions, ouais, faut pas toucher la lave, ouais, c'est gaulerie. Trois émissions, bah, faut pas toucher la lave, en fait. Mais en fait, au bout d'un moment, t'as envie de faire, surtout. Et t'en as marre de regarder. C'est que ça, voilà. Mais là, comme ça, juste faire des formes de murs, enfin, c'est combien de temps les... Bah, tu vois des gens se péter la gueule, c'est toujours marrant. Oui, c'est ça. Boum, gagner ne tient qu'à un fil. Alors, c'est un truc avec une bombe et une mèche. Un démineur. C'est un peu de ça. Alors, c'est sur TF1. Boom. Déjà le nom est en ouais, fait. Ouais, c'est... Non, mais c'est juste Boom, j'imagine le nom. Non, non, non, ça s'appelle Boom. Tagline. Boom, gagné, donc ne tient qu'à un fil. Le mec, au début de l'émission, où la meuf disait bienvenue, bienvenue dans Boom, gagné. Alors, ne tient qu'à un fil. Pour te donner un indice, il disait bip bip, Boom, gagné, ne tient qu'à un fil, car il s'agissait de Vincent Lagaffe. La gaffe, mmh, voilà. Mal. Non, mais 20 émissions sur TF1. Non, la gaffe, ça fait déjà deux émissions avec lui. Bah, y en a d'autres. Gagné ne tient qu'à un fil. Bah, c'est le jeu de la fête foraine, là, t'as des cordes et au bout de certaines, il y a un cadeau. Au bout de certaines, il y a des couteaux. Vraiment la gaffe, si c'est très, ça, si vraiment tu dis. Très bonne créatrice, Morgane. Bon, alors tu après, fais quoi là? Bon, là t'as un câble, tu le déroules. 40 ans chez Andémol. Et au dans la cruche, eh, c'est peut-être de l'eau, c'est peut-être de la bière. Bah attends, le jeu du bowling où ils répondent aux questions, c'est vraiment ouais, pas c'est si mieux que ça. J'avoue. Alors, si sachez, qu'il y a... Bien sûr. Sachez qu'il y a un peu de culture générale. Quand même, c'est un mélange de faut faire des trucs et répondre à des questions. Est-ce que c'est tu te passes une bombe de ouais, main en main et pensé. Tu réponds à des questions? Alors, ce n'est pas ça, mais c'est une très bonne idée. Ça, c'est ouais. un jeu d'été avec ouais, le ouais. truc avec la flotte là. Bah, quand ouais. tu faisais tes petits trucs, oui, quand tu étais. Qu'est-ce que tu as dit? En centre de loisirs. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est ça quoi, c'est le genre de jeu que tu peux faire. C'est vrai. Ouais. Mais là, c'est pas ça. Pensez bombe, pensez. Bah, tic tac, il y a un. Il y a un décompte. Non, c'est pas vraiment ça. Il y a une mèche. Non. Il y a du fil C4. Bleu, fil rouge. Ah, ouais, il y a deux. Oui, bah je l'ai vu. Il y a deux fils. C'est ça. C'est en tout. Fait, les cils. C'est... J'ai rien. Bah, c'est, dans tout... c'est dans tous les films d'action. Moi, je l'ai vu, ouais. Non, mais j'ai vu. C'est-à-dire que chaque fil était correspondait pardon à une réponse. Mm-hmm. Donc il y avait une question. Et tu devais couper les mauvaises réponses et est-ce que la bombe allait exploser ou pas. Ah oui. Donc voilà. C'est pas si mal. Non. C'est vraiment juste purement de la mise en scène parce qu'il répondrait juste aux questions, ça ne changerait rien au jeu quoi. Écoute, non mais quoi. Mais non, mais... La gaffe putain. Bah, c'est ce qu'on a dû. Il y a quelqu'un qui a dû dire ça à l'émission 19. Ils ont fait ben ouais grave en fait. Oui, en fait il pourrait répondre juste aux questions. On arrête. Et sachez que c'est la dernière question pour un champion qui existe. Et sachez que c'est l'émission qui a commencé à couler le créneau de TF1 qui était face à N'oubliez pas les paroles de Nagui, qui est toujours d'ailleurs actuellement à la télévision. Ton frérot. Le frérot de Morgane, évidemment. Et ils étaient en face, et après TF1 a réessayé de faire des jeux, et ça n'a jamais marché. Putain. C'est pour ça qu'ils sont partis sur les émissions, sur les séries télé. Là, plus belle la vie, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle me manque en fait cette période de tous ces jeux. Ouais. Et même TF1 voilà, qui essayait d'en faire des nouveaux à chaque fois, et tu regardais une, tu sais, à chier. Ce désespoir là, qui me manque un peu. Ouais. Bah, par exemple, si je vous dis Push le bouton, présenté par Vincent Lagaffe. Non, mais c'est pas vrai, c'est encore le. Non, mais là, pardon. Push le bouton. Vraiment, Lagaffe, je pense qu'il dormait devant les locaux. Et il improvisait des idées de jeu à chaque fois. Quoi. Petit indice, il y a eu une seule saison. Composé de deux émissions. Wow, ouais, ça a été chaud. Extrêmement touche rapide. Le bouton. Donc t'as un énorme buzzer rouge ou un truc comme ça. Alors il y a un peu de ça. Central. Voilà, il y a un peu de ça. C'est une gamelle. Ouais, quelqu'un qui tombe. Qui est un trampoline. En fait, il est assez simple hein, le concept, mais. Est-ce que c'est une sorte de capture the flag où faut aller appuyer sur un bouton et tu dois l'empêcher Non, c'est vraiment. C'est quand t'as la réponse, faut aller buzzer. Voilà. Alors il y a une histoire de buzzer avec la réponse, mais c'est une façon un peu différente de repenser le quiz. Tu te jettes sur le bouton toi-même. C'est un énorme bouton, tu dois sauter de 20 mètres. Alors, c'est toi qui as le bouton sur la tête. Non. Ah, pas mal. Non, c'est pas ça. Push le bouton. Push le bouton. Et non pas push it to the. Donc alors, attends, c'est toujours des quiz, hein, c'est ça. Alors là, c'est un quiz, ouais. Donc ça doit être encore un truc où en gros, si c'est prétexte. De la mise en scène. Et si, est-ce que ce bouton est d'une. D'un aspect particulier, il est très gros, très quelque chose ou... Non, il a c'est assez un basique. Bouton qui empêche l'autre équipe de jouer. Non. Il y a un seul buzzer pour les deux équipes. Alors non, ils ont chacun un buzzer. Bah, c'est juste ça peu, en fait. Ils juste buzzer. Montre un peu le visuel. Il y a une tête géante de Vincent Lagaffe. Merde, qui mais est comment on a raté ça en fait. Qui est au milieu, je vous invite à googliser. Il est dans la bouche de. Le bouton est dans la bouche de Vincent Lagaffe. Non, le bouton est vers eux, tout simplement. J'ajoute quand même que. Vincent Lagaffe, c'est que de la déco. C'est juste pour le décorum de l'histoire. Sachant que Vincent Lagaffe, pour cette émission, enfilera une dizaine de costumes aussi fous et insolites les uns que les autres. Mais ça aussi, rien à voir avec le jeu. Rien à voir avec le jeu. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que le jeu, je vais vous donner la réponse, parce que c'est pas très rigolo comme jeu. C'est 4 familles disposent d'un capital de départ de 100 000 euros. Et en fait, le chronomètre tourne et à chaque seconde, c'est un peu d'argent qui part en fumée. Mmh. Donc il faut répondre le plus vite possible à des réponses. Sinon, tu perds de plus en plus d'argent. Ça n'a rien à voir avec le bouton. C'est incroyable de ne pas avoir donné un nom en rapport avec le temps ou un truc. Alors que c'est vraiment l'aspect principal. Push le bouton, tu sens qu'ils ont juste dit bon, Vincent, il dirait ça. Ouais. Push le bouton, tu vois, un truc un peu comme ça. Donc ils se sont dit on... C'est sans doute lui qui a trouvé le titre. Ouais, allez, on s'en fait un dernier. Tout le monde aime la France. C'est Chardou, ça. C'était des questions de géo, non? C'était un peu ça, c'était pas que ça. Tout le monde aime. Il y a pas un truc avec les villages fleuris et les meilleurs villages de France? Non, ou non. Comme ça, il y avait. Ça, c'est. Oui. Non, ça n'a pas rapport oui, à comprends. Ça. Mais ça, M6 à une époque faisait même quel est le meilleur village de France. C'est et d'ailleurs, jeu. Le perdant était rasé. C'est un jeu France 3, c'est. C'est un jeu M6. Présenté M6. Par Michel Sardou. Exactement. Mais ça me dit quelque chose. Non, c'est présenté par Sandrine Quétier. Encore. Toujours dans les bons plans. Dans tous les bons coups. Mais produit par la gaffe quand même. Et c'était avec des célébrités. Ouais. Entre autres, on peut retrouver Hélène Ségara, Valérie Beg, Catherine Laborde, c'était Devatia. C'était à 20h50 ça. C'était ça, c'était à 20h50. Un concours, une course en stop. Enfin, 20h50, les deux premières soirées, c'est passé à 23h15 assez vite. Ouais. La dernière ayant eu lieu à minuit 10. Donc c'est. Hier. Ils se déplaçaient. C'était sur TF1, autant pour moi, je me suis, j'ai menti. Okay. Mais ils se déplaçaient. Non. Non, non, non, mais je vais vous donner la réponse. Google, hein, Google Maps, Street View. Non, non, c'était tout simplement des questions en rapport avec la France. La France, ouais, d'accord. Tout simplement. Génial. Culture, géographie. Excellent concept. Incroyable que quelqu'un dit on met ça en prime time. Il y avait une émission que j'adorais avec Sandrine Quétier qui était exclusif. Hein, je ne sais pas si vous souvenez. Oh là là, bien sûr. Les prémices de 50 Minutes Inside. Ouais, mais génial, exclusif. C'était tous les jours. Ouais, c'était mais tous ils les étaient jours. Deux. Ils étaient deux, ouais. Il y avait. Jonathan Lambert. Jonathan Lambert. Et Nicolas Deuil après. Et Nicolas, ah, Nicolas Deuil. C'est un peu mon rêve de présenter un bêtisier de Noël comme ça. Tu vois, à deux sur un plateau mais en plein peux, pied. Hein. Tu peux le demander. Hein. C'est sur vrai. Un W9. Je crois que c'est accessible. Franchement, sur un W9, un truc comme ça, on peut. Et ça, il te laissera une petite place. T'inquiète pas. Genre. T'inquiète. Mais personne, il n'y a pas un de vous qui veut le faire moi. Non mais on peut. Non, moi j'ai besoin de thunes. Moi je peux non, être mais très une chaud. Fois, hein. Tu vois, genre. Moi, ouais, décidément, nos amis à quatre pattes n'ont pas fini de nous surprendre. Mais vraiment, faut qu'on aille faire ça. Si on écrit que comme oui, ça, moi ça oui. me va. Ouais. Ouais. Moi, je suis hyper cliché. Écoutez, je sais qu'il y a potentiellement des gens d'M6 qui nous écoutent pour W9. Nous, il y a 5 personnes. Jérôme, t'avais pas l'air chaud, t'es quand même dans la boucle. Moi, je suis chaud. On en aimerait présenter, en régie. On aimerait présenter un bêtisier de fin d'année. S'il vous plaît. Voilà, qui quid d'un Noël oui. ou d'un nouvel an. Ouais, avec un petit sapin en plateau. On prend un pas truc trop de sympa. Pognon. On non, prend pas trop de pognon. Non. On en prend quand même, attention. C'est pour l'esprit de Noël. Mais c'est pour l'esprit bien de Noël. Sûr. Il s'agit du flot de casse. Donc, les amis, je vais vous poser des questions que les auditeurs tenaient à vous poser. Jérôme, après ton intervention dans Jeux Vidéo Club chez Combini, on comprend que tu es un aficionado de gaming. As-tu déjà pensé à créer quelque chose en rapport de près ou de loin au monde du jeu vidéo? Non. Allez, bye. Ok. Bye. Non, non, mais j'adore surtout les jeux rétro, hein, comme on peut le voir dans le jeu vidéo aussi. Ouais. Je joue beaucoup moins aujourd'hui. D'accord. Mais par contre, je peux en parler des heures. D'ailleurs, j'ai parlé plus d'une heure en vrai. Ah oui, bah. Ils ont gardé 14 minutes, mais ouais. J'ai fait. Je savais plus m'arrêter, mais vraiment parce que j'aimais en parler. Et d'ailleurs, sur le même sujet, beaucoup de gens ont demandé si tu étais embrouillé avec le directeur du. Non, mais j'ai fait une magasin. Séquence avec lui, je l'ai fait venir. Ah mais bah, parce que, les gens. Le patron du magasin. Le patron du magasin, parce que les top commentaires, c'est de dire le patron du magasin a dû détester, a dû non, avoir non, envie non. de le taper. Je l'ai même fait venir, mais pas à ce propos, parce que je croyais, je parlais de Super Mario World 2, Yoshi Island, et je lui ai dit tu te souviens de ça et tout. Il s'en souvenait pas et ensuite il est parti. on l'a jamais revu. Ouais, on l'a jamais revu. Et je lui dis viens non mais merci machin, ils l'ont pas mis. Mais elle est dommage. Très intéressante. Enfin en tout cas, ça, moi je suis pas assez jeux vidéo mais c'est très intéressant. Ah bah, c'est gentil. On en parlera longuement si tu ah veux. Bah avec plaisir. Bah, parlons-en très... maintenant. Donc non, alors. Non mais c'est très très cool. Ouais, c'était très bien cette vidéo. Morgane, tu disais dans une interview l'an dernier que tu pourrais abandonner ton métier d'humoriste du jour au lendemain. Bah, le Covid tiens un peu forcé. C'est vrai, je me souviens, en plus tu l'as vidéo. Dit dans le podcast. Je l'ai vu. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant que tu fais c'est ton métier quotidiennement? Bah oui. Toujours. Mmh. Toujours. Mais j'ai l'impression que je dis ça dans tous les podcasts, mais. Ah, tu l'as dit ici. Ouais, mais. Et tu le redis là, et tu le redis là. Non, mais ça aurait pu changer depuis. Non, mais dès le moment où je sentirais qu'il y a un truc qui m'appelle ailleurs, ou que je vais faire des blagues la boule au ventre, ou que j'ai plus envie, ou que ça me fait plus kiffer. Ce qui veut pas dire que ça arrivera. Non, ouais. Ce qui veut pas dire que ça arrivera. Ouais. Je dis, non, juste ce que je dis à chaque fois, c'est que je me forcerai pas. Mais la même chose si j'étais boulangère. Hein, ça, je veux dire, tout à fait. Ce qui veut pas dire que ça arrivera. de la drogue. Est-ce que c'est de la drogue? Je veux que tu ne dises plus que ça. Benjamin, lorsque tu montes sur scène, tu perds ton personnage de beauf. Comment est-ce que le public l'a perçu au début, accueilli? Quel serait ton plus grand kiff? Attends, j'ai pas compris. Pas tout à fait, pas tout à fait. C'est pas tout à fait vrai. Ah. C'est-à-dire que il y est pas le personnage du beauf, il y est pas tout le long. Oui. Il y apparaît, mais c'était une vraie volonté de pas faire une Madola niçoise où on te compare qu'à ça, tu vois. Et en fait, vachement bien. Et puis, comme c'est une pièce de théâtre, j'avais un peu peur aussi que d'avoir des gens dans la salle qui interviennent, qui n'ont pas compris que c'est une pièce. Et du coup, j'avais trop peur de ça. Ouais, vas-y, le beau, faut voir. Oh, le beau. Non, c'est un peu sérieux. Et du coup, non, en fait, pas du tout sérieux. Ah, mais en fait, tout le monde a capté le truc. Et en fait, les autres personnes, c'est ça que j'aime bien dans la pièce, c'est quand les gens sortent, me disent. J'ai aimé celui-là que j'ai jamais fait nulle part que dans la pièce. Donc je suis content parce qu'on retient plus les nouveaux que les que j'ai déjà fait. Voilà. Le Covid, toi, ça t'a ça m'a miné. Oui, je crois que ça a bousculé ton agenda ou pas en règle générale. Non, mais je veux dire, tu étais en tournée. J'avais prévu de en janvier là de faire Palais des Glaces. D'accord. Voilà. Je me suis arrêté à Sochaux. Ouais, voilà. Donc décalé en septembre. Donc ça, normalement confirmé si encore tout va bien. Mais bien normalement, ils vont Palais des Glaces à partir de septembre dans la grande salle. Allez, il va falloir remplir. La 1002. t'es sympa. Bourré, bien réduit. Ouais, mais donc petit stress, mais ça va être hyper cool, quoi. Puis, un peu dernière fois avant Paris, c'est que t'es cool. Je pense que finir là-dessus, c'est sympa aussi. Et puis après, tourner beaucoup, mais en tout cas, ce serait mes dernières dates à Paris, quoi. Mais ça, t'es pas encore parti en tournée Non, à chaque fois, c'est entrecoupé. Et en octobre, on a pu reprendre un peu la tournée, septembre-octobre. Et du coup, les dates qui étaient dans des petites salles. Ont été décalés et dans les grandes pas décalés et du coup je faisais une petite salle la veille et la grande le lendemain, du coup c'était hyper bizarre il fallait réapprendre le spectacle en 5 secondes parce que tu joues dans un mètre carré et après beaucoup plus grand, donc c'était assez assez marrant mais toujours bonne ambiance, donc c'était trop cool. Et j'ai vu une petite vidéo de toi où t'expliquais que t'aimerais à terme pourquoi pas jouer ton spectacle dans les restaurants autoroutiers parce que ton spectacle donc dans un restaurant autoroutier. Exactement, et je trouve l'idée géniale. Bah, j'aimerais bien. J'espère que tu peux faire la tournée des restaurants autoroutiers. C'est trop cool. C'est effectivement bientôt les 90 ans. Alors, s'il y a appel à témoins, je profite que. Ouais, faut y aller. Non, mais c'est pour ça, quand j'ai entendu l'initiative, putain, c'est trop. J'aimerais bien jouer dans un relais routier ou pourquoi pas faire plusieurs dates, un peu comme. Comment il s'appelle qui jouait dans des fermes. Dieudonné. Non, mais le couple de vieux. Oui, les Baudins. Les Baudins. Ils faisaient ça, eux, mais dans des vraies fermes, du coup. Trop bien. Donc, j'ai pas créé l'idée, mais du coup, jouer dans des restaurants routiers, j'adorerais être en conditions réelles et pourquoi pas servir vraiment les gens en même temps, ce serait trop marrant. Donc voilà. Morgane, j'ai adoré les différents podcasts auxquels tu as participé. Est-ce que ça ne te plairait pas d'avoir le tien? Mais oui, tiens. Ouais. Mais alors, pas du tout. Ah ouais? Non, vraiment. Comment ça casse les couilles? Tu es la seule personne. Elle veut arrêter le métier. Je veux rappeler que je peux arrêter à tout moment. La meuf qui cultive une rareté qui n'existe pas. Non, pas du tout. Mais j'adore parler dans les podcasts. Et en plus, en général, je vais que dans ceux de gens que j'aime bien. Quand tu dis en général, c'est. Nous, on est l'exception. Exception en fait d'aujourd'hui. Non, parce que c'est tellement de taf. Moi, je suis pas du tout. Je sais à peine, ça fait vieux discours de vieille meuf, mais je sais à peine me servir de mon iPhone. Et quand je vois par exemple ma pote Fanny en train de monter le podcast Les gens qui doutent, en train de le monter, et elle fait des combinaisons de claviers, et ça a l'air de prendre tellement de temps. Et c'est un vrai truc de flemme. Et en plus, j'ai jamais un sujet qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, tiens, ça peut faire un podcast. Je voyais pas l'utilité cette année de refaire un énième podcast de témoignages. Gens qui se racontent de artisans de la blague, comment on fait des jokes, et toi t'écris comment, et moi, mais je sais pas. Donc, qui réagissent à l'actu. Enfin, oui, voilà. Avoir un sujet, c'est la preuve que c'est vraiment pas obligatoire. Donc, non. Flemme. Non, bah écoute. Eh ben, c'est bien. Benjamin, toi, tu as fait un podcast. Tout à fait. Trani raconte. Exactement. As-tu d'autres projets de podcast audio ou peut-être même sur YouTube? C'est vrai que. Oui, j'aimerais bien adapter les Trani raconte en vidéo pour une fois, essayer. Ça pourrait être marrant de faire du coup encore plus une grosse parodie, quoi. Oui, alors on pourrait expliquer aux gens qui peut-être connaissent pas. Donc c'est une parodie de On la raconte. Nous sommes des fans communs, évidemment. Et c'est rigolo, c'est même plus comme ça qu'on s'est un peu parlé pour la première fois. Parce qu'au début, moi, tout le monde, ils ont fait un flot de casse raconte et donc tout le monde m'envoie attends ils ont fait ça et tout, donc je suis allé écouter et je me dis bon effectivement mais pas de ouf quoi, voire pas du tout tu vois. Et du coup je leur envoie ouais apparemment il y a ça et tout, donc je crois qu'un de vous deux m'a dit bah écoute-le puis tu nous dis quoi au cas où. Et en fait, pareil, eux ont découvert comme ça. Ouais. Et du coup, on s'est envoyé chacun des messages. Non, mais pas de soucis. Bah non, pas de soucis. Bon, bah on garde contact. Et puis voilà. Et du coup, c'est un peu genre, apparemment, on se plagie. Qu'est-ce qui se passe Les gens sont énervés pour nous. Les fouilles merdes, là. Vous aimez le sang, Internet. On vous voit. On vous voit. Donc voilà. Et du coup, non, un autre podcast. Mais pareil, je suis pas. Il y en a quelques-uns qui le font de parler autour d'une table et ils le font très bien et c'est déjà pour moi bouché et j'aime bien écrire et du coup ça serait encore un truc raconté C'est écrit une forme avec parce que t'aimes bien écrire un podcast C'est beaucoup de taf pour pas grand chose mais en fait c'est tellement un truc où t'es très libre et tu peux faire ce que tu veux qui est quand même assez cool et c'est pas bouché comme YouTube etc. t'as l'impression que tu peux encore puis l'audio faire une place. Il y a un vrai truc à explorer dans l'audio. Il y a des fictions audio, tu peux rajouter du son, tu peux faire de la vraie prod. Et en humour, pas beaucoup. Non. Je trouve. En fiction, audio, humour, il n'y en a pas beaucoup. Donc, mais en vrai, même nous, c'est marrant parce que nous, ça fait 6 ans qu'on fait cette émission-là. Bien sûr. Et c'est du talk vraiment basique où juste on fait des blagues. Et même ça, en vrai, il y en a pas. Il y a beaucoup d'émissions de talk, mais juste où c'est pour rigoler, enfin où on n'a pas d'ambition haute que juste on rigole bien autour de table. Il y en a pas tant que ça. C'est beaucoup du témoignage, il y a souvent des histoires pas cool, quoi. Ouais, c'est rarement pour rigoler. Non, mais il y a un thème aussi souvent. Enfin, le truc, c'est des gens qui parlent. Oui, mais c'est souvent la mort ou la maladie ou la dépression. Cela dit, tu viens de décrire transfert. Cela dit, nous, c'est aussi trois thèmes avec le sperme, mais c'est les thèmes auxquels autour. Le sperme, le caca et la mort de mes parents. C'est les trois thèmes qui reviennent souvent. C'est un peu les Avengers de ce podcast. Jérôme, peux-tu nous en dire? Alors, je sais que pas trop, mais peut-être tu peux nous les teaser. Oui, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce tournage où tu traînes des gens derrière une voiture ou tu retournes des 206? Oui. Alors ça, c'est un court métrage que j'ai tourné avec un réalisateur qui s'appelle Sébastien Vanissek. Que je trouve très talentueux. Et on a fait ce truc-là parce que c'était dans l'envie de tourner, parce qu'on fout rien depuis plusieurs mois. Et dès qu'on a l'opportunité de tourner, on le fait. Donc il a pondu cette petite idée, en tout cas moi qui m'a plu, de sorte de gabeur qui va prendre la vengeance sur un chien qui a été abandonné par un vilain chenapan. Et du coup, voilà, c'est très viscéral. Enfin, moi, c'est la réelle. Je suis tombé amoureux de ce réalisateur, de ce qu'il fait, de l'image et tout. C'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et donc, on a décidé de tourner ce petit truc qui sortira un jour, on l'espère. Mais c'est un petit court-métrage, ça va durer 3-4 minutes, tu vois. En autoprod ? Totalement à l'ancienne, ouais. C'est ça. C'est-à-dire, on l'a fait. C'est juste Seb qui produit, enfin, qui a acheté 2-3 lights et tous, on y va pour l'amour pour l'amour de la cascade, parce qu'il y a un peu des cascades aussi, mais il a des potes qui font des cascades. Ces potes-là vont ensuite tourner Mission Impossible, tu vois. Donc c'est vraiment une ambiance géniale où personne, enfin tout le monde, c'est juste pour l'envie. Et derrière, le mec part à Rome rejoindre Tom Cruise, quoi. Donc c'est vraiment trop bien. Et c'était une envie de retourner, justement, parce que pour être un peu dans les mêmes sphères, des fois c'est difficile en fait de vendre des projets artistiques ou de les financer ou machin. Est-ce que c'était une envie de retourner à des trucs un peu plus genre bon bah vas-y nique ça, on fait ça entre nous, ouais, vraiment un peu plus roots? Ouais, complètement. Et du coup c'était vraiment très agréable parce qu'il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de grosse équipe. On était 3-4, tu vois, enfin un preneur son, un chef op, le réal et les acteurs. Donc c'est un peu, on gère tout tous ensemble, on essaye de s'entraider. Donc ouais, ça ressemblait un peu à quelques tournages à l'ancienne et avec des cascades, donc moi je préfère. Oui, c'est un peu plus ambitieux que Jérôme prend le métro. Largement plus ambitieux. Largement plus ambitieux. Question pour Benjamin. Alors, tu nous en as un peu parlé, que tu voulais pas faire que ça, mais quelqu'un a demandé si c'était, tu avais une envie de porter ton personnage du beauf sur le grand écran. Est-ce que c'était un truc qui pouvait... Pas trop. Pour l'instant, non, pas trop. J'aimerais justement un peu le... Alors, malheureusement, c'est... Malheureusement et heureusement, c'est un peu comme ça que les gens me connaissent. Donc, ouais, plus trop le faire, c'est un peu aussi risqué. Du coup, on essaie un peu, pas de le tuer, mais un peu de le ralentir un peu pour... voilà. Parce qu'à chaque fois même, on me demande... tu vois, ça m'arrive... Bah, à la fin du podcast, tu fais 6 minutes. Ouais, ouais, joues, ça. Je t'ai pas dit. Non, mais on te propose même à chaque fois des rôles. Je sais plus, il y a un truc qu'on m'a envoyé pour un film et le personnage s'appelait Benjamin. Et c'était genre, alors comment tu y vas? Et c'était, je dis, mais attendez, mais là c'est limite les faces que je faisais à la radio. Ouais. Fait, ouais, non, mais après tu joues comme tu veux, hein. Y a pas de. Bon. Bah non, gars, enfin, je vais pas. Et c'est vrai que parfois dans le cinéma français, il y a des personnages un peu beaufs. Oui, c'est vrai bien qu'on sûr. Doit t'en proposer quelques-uns. Ouais, ouais, ouais, ouais, bah, pourquoi pas. Et en vrai, ça me dérange pas. Et pour le coup, on m'a moins proposé ça que, tu vois, où en général ça m'emballe moins, c'est vrai. Ouais. Mais pourquoi pas, mais. Tu vois, quand j'aurai la bonne idée de le faire venir et de trouver un truc, mais pour l'instant, je suis pas assez connu pour me permettre de dire bon, bah, on va faire un film là-dessus. Mais c'est pas une envie spéciale. Non, pour l'instant, non. Non, ouais, non. Non, pas trop. Mais c'est vrai que dans En Passant Pécho, par exemple, tu joues complètement autre chose. Non, ouais, ça bourge. C'était. Ouais, exactement. J'étais hyper content qu'il me propose ça et de faire la Vico, ce que j'aime bien faire. Et du coup, j'étais trop content de le jouer. Et pour l'instant, effectivement, on me propose plus des choses comme ça. Donc, je suis content de. Montrer que c'est pas que ça et on me propose moins de pain de dessus comme ça, tu vois. Dans la rue. Ça, ouais, ça, c'est compliqué. Ça ne va jamais dans un festival. Ouais, voilà, ça, musique, c'est mort. Ça, c'est mort. Le festival Tango Swing et Bretelles, tu évites. C'est un personnage. Ça, ouais, mon pauvre, toi. Allez, aussi, hein, j'imagine. Oui, bah oui. Ouais, putain, ça, c'est le plus qu'on me dit, c'est mais tu cries pas du tout. Fais les tutos. Fais les tutos, mec. Ouais, ouais, oh, ça doit être horrible. Oh, il y a du monde ici ou quoi? J'adore quand il le fait. Bande de saligo, je sais pas quoi, là. Allez. Vas-y là. Et faites un duo les tutos et le beauf s'il vous plaît. Non, moi la meilleure face qu'on m'ait faite, bah, je l'ai peut-être déjà dit là-dedans. Raconte. Sarah Dott, gros con. Bah. Non, ça y est. Non. Ça, oui. C'est les tutos, ça. Fallait le pousser un peu. Hein. Un soir en club, à l'époque où tout était encore ouvert, il y a un mec qui vient me parler en me disant, hey, putain, t'es le mec des tutos et tout, c'est trop cool. C'est trop bien ce que tu fais, machin. Alors vous sortez ensemble entre mecs du net, machin et tout. Et il me dit et le mec de la ferme Jérôme, il est comment? Et là j'ai fait pas mal. Je fais c'est moi, fils de pute. Il m'a battu après. Ah, génial. Donc là au moins ça veut dire que j'avais fait le taf. Ouais, tu vois, bien sûr. Trop bien. Il me croyait pas. Une question. Génial. Une il question était ivre. Pour... Il me fait mais non. Si, mais non, allez, ciao, bonne soirée. Eh oh, tu sais pas ce qu'il a dit l'autre. Il dit que c'est la ferme Jérôme alors que c'est le mec du tuto, j'en suis sûr. Une question pour Adrien et Jérôme. Et Phantom Force. Bah voilà, y a-t-il une suite de prévu à Phantom Force? Bah écoute, nous on avait écrit. On avait écrit les synopsis de la suite avec une fin qui se boucle et tout. Ça aurait été une mini-série. Alors, on l'a écrite quand même à l'initiative de gens qui nous ont dit bah écoutez, on part sur une suite. Écoutez, ouais. Ça nous a plu, écrivez-nous la suite, on l'a fait et puis c'est terminé, ouais. Ils ont dit finalement non, hein, bye bye, non, puis là en plus enfin moi j'en rêve, hein, de faire la suite, ouais. Mais bon, c'est vrai que je sais pas, bah moi je suis en plein déclin physiquement. Vraiment, déjà je suis juste, déjà au quotidien j'ai la gueule du personnage qui était un coup, voilà, un look, hein, à la base, à l'époque c'est vraiment mon look de la vie maintenant. Moi je l'aime trop, ce look. Non, j'aime oui, bien. Il va vraiment bien. Non, mais oui. Non, mais bah, ce serait marrant. Mais... Ouais, bah, je pense qu'on s'est heurté à de véritables problèmes de budget qui sont existants, vraiment. Et un projet un peu atypique aussi, quand même. En vrai. Ouais, bah, ouais. Oui, mais bon, il était atypique déjà quand ils nous ont proposé de faire un film. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bon, après, ils nous ont dit oh, on pourrait peut-être le tourner en Camargue. Là, c'est plus nous qui avions dit oui, ou alors, oui, non, c'est vrai. Du coup, vous l'avez tourné où le premier? On l'a tourné à Almeria, en Andalousie. Qui nous permettait d'avoir un décor états-uniesque. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote autour de cet endroit où vous avez tourné. Mais c'est Don Quichotte, non? Non, bah en fait, peut-être, oui, c'est possible. Ah, je sais pas. Non, mais en fait, c'est un lieu hyper prisé par le cinéma depuis toujours. Les Sergio Leone étaient tournés là-bas, par exemple. Et aussi l'épisode, je sais pas si vous avez vu l'épisode de Black Mirror, Black Museum. Ah, ah non. Et en fait, l'intro là, donc c'est tourné à Almeria. Et quand elle arrive là, avec sa voiture à l'endroit où il y a la station-service et le Black Museum, et bah c'est l'endroit, si vous regardez Phantom Force, où Jérôme se bat contre le méchant à la fin. Ouais. Et c'est devant le truc du Black Museum qui a été repeint. Ouais, voilà, c'est un ancien resto de bord de route et qui était ouvert à l'époque du tournage de Black Museum. Et ils ont dit, est-ce qu'on peut tourner là? Il faudrait qu'on le peigne en noir. Les gens ont dit, ok, mais vous le repeignez de la couleur originale après. Ils l'ont fait. Le resto a fermé juste après, visiblement. Ouais. Et du coup, nous, on a tourné là-dedans. On a même tourné à l'intérieur parce que le truc est abandonné. Quoi. Ouais, okay. Dingue. C'est trop cool. Sublime. Et y a donc, si un jour on a plus d'argent, on le fera. Si on récupère les droits déjà. Ouais, peut-être. Et si, je sais pas, France TV. Pas mal d'étapes finalement. Quelque chose, ça va être dur. Ça va être dur. Il y a des gens de Canal qui nous écoutent et qui disent, allez. C'est ça, donc dans un an c'est fait quoi. Voilà, c'est terminé. Comme tous mes projets cool, c'est toujours dans les tiroirs de quelqu'un qui s'en branle et c'est terminé. Voilà. Le mec qu'on n'écoute jamais dans les films, allez, aux chiottes. Question pour toi et moi, Adrien, qui demande quand est-ce qu'on reprendra des podcasts avec appel du membre du Discord. C'est un truc qu'on avait fait il y a quelques années. Et alors justement, on en a parlé un peu avec Adrien. Je pense qu'on risque de refaire des épisodes que tous les deux, Adrien et moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter ou autre. On peut se casser maintenant. Non. Non, mais en fait. Non, mais attends, n'hésitez pas à dire quoi. Si ça vous intéresse. Si mais ça non, peut on le fait, mais on s'en fout. Ah oui, on c'est vrai. Quoi. C'est vrai. Non, mais je serais curieux d'avoir leur avis. Qu'on le fasse, on le fera quand même. Mais... Moi pas. Oui, bah, alors, envoyez-moi des MP. et bref, on avait fait avec Bérangère, Krief, Marine Bausson et Ben Mazuet les trucs du répondeur. On n'a pas refait après parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup de temps dans l'émission et ça cassait un petit peu le rythme quand même, mine de rien. Parce que c'est des auditeurs en fait qui nous laissent des messages, donc forcément ils sont moins à l'aise audio. Et tout. Des messages audio. Donc c'est trop cool, mais effectivement ça casse un peu le rythme. Donc on s'est dit que potentiellement on pouvait faire des épisodes un peu spéciaux où il y aurait que Adrien et moi, où on pourrait même parler un petit peu de nos actus respectives comme ça entre nous tranquille. Et à côté de ça, écouter ces messages de répondeurs et réagir, etc. etc. Tout à fait. Donc on va sûrement le faire là à l'avenir. Je sais pas trop quand encore. Mais sachez que c'est le genre de truc qu'on pourrait faire très bientôt. Oui. Voilà. Avant de terminer, les recommandations culturelles. Oh, alors, est-ce que vous avez pensé à un truc que vous avez apprécié? Non, moi oui. J'ai travaillé. Il y a eu un très bon petit regard à Jérôme Miel. Vas-y. Alors, ça peut être cinéma. On va commencer par Jérôme. Non, bien sûr, sois rassuré. Ça peut être un podcast, ça peut être une série, un film, un bouquin, une pièce de théâtre. Adrien, est-ce que tu veux? Non, je veux surtout pas commencer. Alors moi, je vais commencer. C'est un podcast. Je triche un peu parce que j'y ai participé, mais en même temps, il n'empêche un très bon podcast qui s'appelle Moteur de Martin Barrondeau. Merde, putain, j'aurais pu le dire. Ouais, très bien. C'est trop tard, mon pote. Mais super. Donc c'est un super podcast où il parle avec des trop gens bien. Autour de la création, surtout cinéma. Je sais que dans le premier épisode, il y a entre autres Xavier Lacaille, donc, qui a écrit Validé, qui joue dans Parlement, Olivier Barou, de Cadet Olivier, etc. Et aussi des gens, des acteurs, alors pas des acteurs comédiens, il y a des acteurs comédiens, mais aussi je veux dire des acteurs de la production, des scripts, enfin tous les métiers du cinéma. Et j'ai moi-même participé, parce que le sujet récemment, c'est le dernier épisode qui est sorti, que vous pouvez écouter, qui s'appelle « De Internet au cinéma ». Alors, sachant que moi, j'ai toujours pas spécialement fait de cinéma, mais en tout cas, on parlait du passage entre Internet et la télé, ou des choses comme ça. Ça y est, c'est sorti ? Il est sorti, là, ouais, vous pouvez l'écouter. Il est sorti exactement aujourd'hui. Et en tout cas, c'était super cool à faire. Et moi, j'écoutais déjà les épisodes d'avant. Et vraiment, c'est un super podcast, super bien produit. Que c'est vraiment propre, tu sens que Martin est passionné. Donc voilà, je vous conseille ce podcast qui s'appelle Moteur point d'exclamation en hommage à Jean-Pierre Mocky dans le célèbre striptease. Ouais, il y a des petits jingles sympas aussi. Ouais, les jeux sont cool. C'est ça, non, tout est cool. Et c'est enfin et pour les auditeurs qui sont pas forcément dans le cinoche, c'est facile d'accès C'est pas non plus des termes techniques de l'enfer et tout et c'est assez cool. Et c'est pour c'est très passionnant. C'est super complètement cool. Noté. Alors moi j'ai un truc aussi. Alors Jérôme, tu vas pouvoir redire. Oh, j'aurais pu le dire parce que je sais que tu aimes les tutos. Non, c'est un... Alors j'ai pas eu consommé beaucoup de culture ces derniers temps, mais donc j'ai un compte Insta qui me fait rire qui s'appelle Don't Mess with Afida. Et en gros, c'est des screenshots de commentaires des réponses que Afida Turner fait aux gens qui lui laissent des commentaires. Comme par exemple, donc il y a un mec qui lui a mis sur son compte: si t'as besoin d'un vrai coach de remise en forme, call me. Je remarque des petites lacunes très faciles à rattraper. Avec un programme de 13 jours, tu vas retrouver tes 20 ans, Afida. Slide in DM. Et elle répond tout en majuscule: non merci, couille molle. C'est gratos. Ah, c'est génial. Ou alors, je voudrais juste savoir ce que tu fais dans la vie, Afida. Elle dit, ce que tu ne feras jamais, même dans tes dreams, clocharda, jalousa. Elle aime bien mettre des A. Elle a clocharda, jalousa, c'est ses trucs et tout. Et moi, ça me fait rire à chaque fois. C'est surtout que les gens viennent même pas tant en agressivité, quoi. Non. Bah, c'est non. Il y a les deux, il y a les deux. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus drôle. C'est plus drôle quand ils agressent pas vraiment. Bah, je sais pas. T'es vite agressé. Mais moi, comme Jérôme Niel en partage tous les jours, j'ai même pas besoin de m'abonner au compte. Non, mais moi, j'aime ça bien. Ça et des chats qui se cassent la gueule. C'est j'aime les deux. Oui. Non, mais en fait, je me mets à sa place où je me dis tous les gens doivent venir pour se foutre de sa gueule. Ouais. Et du coup, elle est un peu. Bon, après, elle est aussi dans un personnage et tout. Ouais. Mais oui, bah, elle a raison parfois d'insulter les gens. Parfois, ça déborde un peu sur des gens qui étaient pas du tout là pour l'agresser. Mais je me mets un peu à sa place. Mais j'ai peur que ça me fait rire en plus parce qu'elle a du coup son même ses expressions son lexique. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai peur que ça vrille un peu à tout le monde vu une réponse d'elle là et que du coup tout le monde ça. Se mette un peu à répondre des trucs. C'est ça, c'est le piège. C'est ça. Ce qu'il faisait, pour l'instant, on est dans une fraîcheur. À une époque, Louis C.K. aussi, il insultait extrêmement violemment les gens et donc du coup tout le monde s'amusait à lui envoyer des tweets et du coup après il s'est barré. Moi, j'en ai deux mais j'arrive pas à choisir. Tu peux dire les deux. Alors, c'est vrai. Bien sûr, vu que j'espère que tu dis ça. Hein, c'était le premier, c'est un podcast de mon amie Fanny Rué et Lisa Delmoitier qui ont sorti un podcast là qui vient de sortir sur toutes les plateformes qui s'appelle Imagine, ça parle de ça. Et c'est qu'en 2 ou 3 minutes, elle te résume un livre qu'elle a pas encore lu, basé sur le titre. D'accord. Donc je crois que le premier exemple, c'est par exemple Petit pays de Gaël Faye, c'est un guide du routard du Liechtenstein. D'accord. Okay. Ouais. Voilà. Genre, et là, elle a fait le portrait de Dorian Gray et c'est l'enfant de Fifty Shades of Grey, illégitime, qui s'est barré du bouquin. Enfin bref, c'est hyper drôle. C'est drôle. C'est hyper absurde et c'est hyper drôle. Et le deuxième livre, je me suis rappelé que dans le premier podcast, quand je suis venue au début de l'année, j'avais parlé de La Horde des Contrevents. Oui. D'Alain Damasio. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit parce que c'est un auteur de science-fiction et je crois qu'il y a toute une petite communauté des fans de ce mec-là. Et il y a des tonnes de gens qui m'ont écrit et je suis en train de lire Les Furtifs qui est son autre bouquin mais ça fait 1400 pages. Donc autant dire que c'est plus de pages que j'ai lu moi dans ma vie. J'en suis qu'à la 400e donc je mais il est franchement cet auteur c'est un truc enfin c'est tout était je comprends qu'il mette 20 piges à écrire un livre parce que tout est tellement fourni. Chaque chapitre, chaque phrase c'est faut pas lire défoncé. Mais c'est extrêmement riche. Et il a un univers incroyable. Et Les Furtifs d'Alain Damasio. Très bien. Benjamin, moi j'ai Attic, la pub Fructis de Garnier que qui est un enfer sur Terre. Comme quoi le pognon bah, ça t'enlève quand même pas mal de dignité. Attends, je crois... Il y a eu Facebook avec Eric Ramsey. Et là il y a ça. Je crois que je l'ai vu passer. Mais aujourd'hui, c'est sur un fond jaune là. Ah ouais, mais j'ai pas regardé. En fait, j'ai pas. Alors, tu me conseilles. Il fait quoi? Il chante. Attic, il chante pour une pub Fructis. Après, il a fait... des belles boucles. Enfin, il parle de ses boucles et tout. Enfin, c'est genre, il se met les mains dans les cheveux. Enfin, c'est. Et genre, il chante. Ses boucles sont pas déçues. Il chante sur la qualité de ses cheveux. Exact. Grâce à Fructis, il dit, il fait la pub de Fructis. Il dit vraiment Fructis de Garnier, machin et tout. Malaise, mais vraiment malaise. Il dit que non. En fait, chercher une autre chanson pour Angela pour finir cette blague, j'en ai pas trouvé. Et du coup, donc une vraie idée, pardon, c'est un podcast qui s'appelle Featuring où justement il invite, c'est un rappeur qui invite des anciennes gloires ou des mecs qui sont toujours connus, mais tu vois, genre Tefak, un peu un mec de l'ombre, producteur, ou Passy, ou Vislo de Saiyan Supacru. Et pendant 2 heures, il parle, et donc Vislo, mec, il te raconte des anecdotes sur le Saiyan. Ça va être noté. Ouais, featuring, c'est passionnant. Featuring. Ouais, bah ça dure vraiment 1h30, 2 heures, faut avoir un peu le temps. C'est trop bien. Mais Passy aussi, il est incroyable. Tefa, c'est très intéressant. Trop cool. Ça, je vous conseille. Et vivement. C'est qui anime? Et le gars s'appelle. Merde, putain. Il est très connu aussi, mais. Putain, d'accord. Enfin, connu. Un peu dans le rap game. Ouais, je n'ai plus son nom. C'est un rappeur qui. C'est Driver, pardon. Excuse-moi. Très bien. Je sais pas, genre, je me le raconte, j'avais vraiment le truc sous les yeux. Voilà, c'est Driver, ouais, excusez-moi. Et voilà, et un autre petite chose qu'on m'a fait découvrir il n'y a pas si longtemps, mais je pense que vous connaissez, vous avez peut-être dû en parler, qui est What We Do in the Shadow, qui est une série. Ah oui, super. J'ai jamais regardé. Super. Voilà, tant que j'en entends parler. Qui est le réalisateur de Jojo Rabbit, je ne sais pas si vous avez l'occasion de se voir. Et Kiki, Thor Ragnarok aussi, qui a fait ça. Mais... Oh, et, quel daron. Et c'est formidable, enfin, c'est hyper cool, c'est vraiment marrant, c'est l'histoire de. C'est un mockumentaire, si je puis me permettre. Vas-y, alors là. Sur des gens qui sont des vampires et donc leur vie dans la vie de tous les jours d'être vampire Et donc c'est, tu les suis au jour le jour. Et c'est une série. C'est une série, ouais. Et c'est très rapide aussi, c'est hyper marrant. Et c'était un film à la base. Et c'était un film à la base, qui est moins bien. Ouais, je trouve d'accord, je trouve la série mieux aussi. Quelle ouais. la série mieux. Mais c'est avec les Flight of the Conchords ou non, non, ça c'était non. le film. C'était le film, ouais. D'accord, ok. Ouais, là, là, la série, c'est d'autres gens. Mais dans les séries, je sais. Dans la série, je sais. Alors, je fais ce truc horrible, mais il y a la sœur de Jonah Hill, dont j'ai oublié le prénom, mais qui est dans Booksmart, qui est une meuf très très marrante. Exactement. Et je vous spoile pas, mais effectivement, c'est au tout début, mais il y a un qui son pouvoir de vampire, au lieu de prendre le sang, c'est il fait des conversations ennuyeuses et du coup plus tu t'endors plus lui il reprend de l'énergie. Ah, c'est voilà, ouais, du coup c'est hyper marrant parce que dès qu'il parle aux gens tout le monde s'endort. Ah, t'es un bâtard et tout, arrête de me parler et tout. C'est il ressemble pas du tout à un vampire en non, plus, il a vraiment tout. Une sale gueule de ouais, comptable. Ouais, ouais voilà, c'est hyper marrant, voilà. Non, c'est très très bien. Et toi Jérôme, je sais que t'avais bossé en amont. Grâce à Adri, j'ai trouvé, je suis allé effectivement sur Insta parce que j'ai fait des découvertes. Alors, des gosses qui se cassent les bras. Oui, non, alors ça, ben, ça c'est Kids Getting Hurt, mais bon, ça on va pas. Ça c'est un classique. Il y a un truc avec les gosses, hein, Jérôme. Ouais, j'adore. Mais c'est moi, c'est le compte La Boîte à Charreaux. Ça s'appelle La Boîte à Charreaux. Et donc c'est un compte qui recense tous les charognards finalement oui. sur des comptes Tinder ou quoi. Donc je peux vous lire un exemple. Des meufs qui reçoivent des trucs. Messages par exemple, attendez. Ah oui, c'est un peu des phrases d'accroche un ouais peu voilà foireuse, c'est ça là. Exactement. Hello, tu sais comment je fais pour avoir une bite de 30 cm? Je la plie en deux. Je la plie en deux. Wow. Derrière, c'est une pote qui voulait savoir si ça marche comme approche, alors ça marche. Oh là là là là là. Et tu serais pas une tour américaine parce que j'ai envie de cracher sur toi. Oh, si, elle est bien, elle est bien. Non, elle est bien. Ouais. Et t'es comme les intros des séries Netflix, je te sauterai bien. Oh. Mais un très bon jeu, cela dit. De deviner ouais. la chute du truc là. Alors, mais faisons attends, ça. On peut essayer. C'est vrai, c'est vrai. Mais rien que la première du compte, c'est incroyable. Il y a vraiment des coups de langue dans le cul qui se perdent. Oui, voilà. Ah, oui, ça, voilà. C'est là, il n'y a pas, de, y a pas trop de punch là. Non. Je t'encule les épées. J'ai pris une flèche en plein cœur, mon arc était bien bandé. Oh, oh yes. Il y a eu un... Et donc il y a que ça, il y en a parfois des un peu plus mignons, pas beaucoup mais quand même et du coup voilà attends. Bref, non bon. Voilà. Non ça allez. C'est moi. Non ça là c'est moi. Ça, c'est... Et du coup voilà, c'est la boîte à charreaux comme la boîte à charreaux. C'est yes, plus clair. Merci beaucoup. Juste... Avec un S, hein, Charo, bien sûr. Moi, j'ai reçu un message qui me check mon pote. Check mon pote. Un message qui me disait on n'a pas entendu le nom du podcast que j'ai recommandé la semaine dernière sur les jeux vidéo. Il s'appelle Gameplay, tout simplement. Tout voilà. Très bien. Et là, je c'est quoi redis. Et ça parle de quoi, pardon? De jeux vidéo et ouais. Notamment un épisode sur NBA Jam. Ah. Qui te plaira. Vas-y. Et bah, je te raconterai après parce que je l'ai raconté. Il ouais. y a une petite anecdote sympatoche. Et moi, je viens de repenser aussi. J'ai vu un film super qui s'appelait Les Mitchell contre les machines. C'est super. Et c'est un dessin animé sur Netflix produit par Lord et Miller, donc qui sont les mecs qui ont fait Spider-Man, New Generation. Mais et c'est pas eux qui ont fait Tempête de Boulet si, Géant. Si, Tempête de Boulet Géant, c'est le film, Les 21 Jump Street. Et bah c'est le même rythme de comédie. Et bah, c'est ce soir. C'est ce soir. Ouais. Les Mitchell. Les Mitchell contre les machines. Ouais, contre les machines. Et en rythme de comédie, c'était déjà le cas de Lego et compagnie, mais c'est vraiment les Mitchell, c'est fou ce qu'ils arrivent à faire quoi en fait. C'est sûr, Mitchell. M-I-T-C-H-E-2-L. Comme, trop bien, versus ouais. les machines. Là, contre les machines. Machine ouais. M-A-C-H-I-N-E-S. Et c'est un dessin animé. Ouais, D-E-S-I-N-A-N-I-M-E-T-F-L-I-X, faut s'abonner. Allez, j'ai plein de trucs là, j'ai plein de trucs à regarder, ça serait bien. Et à écouter. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous d'y avoir participé. Dernier tour de table. Jérôme Niel, les projets. Ça va? Oui. donc peut-être un court métrage qui sort bientôt. Voilà, court métrage de l'écriture sur Instagram. Exactement, aussi. Et de l'écriture de projets plus longs. Bien sûr. Et c'est vraiment désagréable parce que c'est long en fait. Ouais, après, ouais. Voilà, t'es grassement payé. Mais en même temps grisant. Oui. Hein, parce que c'est intéressant, des nouveaux projets, tout ça. Oh là, vous êtes un personnel un peu. Oui. Benjamin Le spectacle dès début septembre au Palais des Glaces. On croise les doigts. Ça va bien se passer. Et voilà, et du coup, des petites vidéos qui devraient arriver un peu pour réveiller le. Au fait, je vais jouer à la rentrée. Bien sûr. Du coup, voilà. C'est un peu ce truc qu'on me demande. C'est genre, pourquoi tu fais pas de vidéo? Parce que je n'ai rien à te vendre, mon gars, avec les vidéos. Je les fais gratuitement. Du coup. le spectacle, ça aide à faire des vidéos. Du coup, là, on va en sortir quelques-unes là, dans les prochaines semaines pour un peu réactiver les réseaux sociaux, qui est un peu assez pratique pour communiquer quand même. Et en passant pécho, qui est toujours sur Netflix. Toujours sur Netflix, bien sûr. Allez vous régaler de ma tête sans barbe et de mes, et du grand angle de très près. Et voilà, exactement. Putain, et me voir sniffer de la poudre de lait de bébé. Morgane. Reprise en septembre. D'accord. Au théâtre Le Métropole, du jeudi au samedi à 20h. Et là, je vais être à l'affiche d'un film qui va sortir. Comme par hasard. D'Arnaud Desplechin, voilà, dans le premier rôle. Mais enfin. Non, pas du tout, c'est absolument faux. Je voulais voir ce que ça faisait de le dire. Pas mal. Et c'est chambé. Mais pas du tout, non, vraiment, je reprends au théâtre en septembre. Sinon, en attendant, je vais finir mon livre. Inter toujours, oui, pardon. Inter toujours, du lundi au vendredi dans la bande originale. Si c'était vrai, j'avais vraiment une question où quelqu'un te demandait si t'avais des envies d'être comédien, et je me suis dit, je pense que c'est clair que non. Mais écoutez mes chroniques, j'en parle dès qu'il y a un acteur, je demande à être pistonné. Il y avait Eric Ruff de la Comédie Française ce matin, où je lui ai fait un peu de forcing. Écoute, on va. Écoutez, Adrien, ça sort lundi, l'épisode là. Il sort lundi. Alors, c'est juste pour dire que exceptionnellement, ça sera un mardi, La Bonne Auberge, donc le lendemain d'accord, de la sortie. Okay. Voilà, donc si vous écoutez ça jour J. Et demain, il y a La Bonne Auberge. Voilà. C'est trop tard, vous l'avez raté. Voilà. Oui, mais il y a en replay. Il y a en replay. Voilà, et puis sinon, c'est tout dit. Et toi, une actu, t'as une actu ? Non, là, franchement, moi, c'est un peu de l'écriture aussi. C'est Calmos, quoi. C'est Calmos. Il y a toujours Oli et l'Alien en bande dessinée. N'hésitez pas à aller l'acheter en librairie, à la Fnac, à Amazon, tout ce que vous voulez. La Flamme en replay. Voilà, non, je crois qu'il n'y a pas. Ah, si, moi, j'avais fait. Avec toi aussi, d'ailleurs, on a fait un peu replay. L'émission de Canal, j'ai écrit un programme court dans lequel t'as joué. Jérôme, oui, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. On a fait un petit sketch. C'est pour passé, ça. Ouais. Ah, mais c'est oui. passé, mais c'est en. Avec replay. Baptiste Le Caplain. Avec génial. Baptiste Le Caplain. On a refait Sophie et Sophie. Trop bien. Moi, je stream plus en ce moment, mais vous pouvez quand même sub. Ça fera de l'argent. Bah, c'est toujours bien. Vu que vous n'en donnez pas pour podcast, voilà. Donnez-en pour Twitch. Cela dit, c'est vrai qu'on n'a même pas prévenu les gens. Ça y est, il commence à y avoir des petites pubs normalement dans l'émission que vous écoutez. C'est vrai que c'est bien quand même de le dire. Parce qu'on a commencé à céder aux sirènes du financement du capitalisme. Mais le matos là. Parce que ça fait pour 20 000 balles. 20 000. Ça fait bah, ce que la montre. Ouais, la montre de Benjamin. La montre Benjamin. merci. écoutez le podcast. Non, mais voilà, de temps en temps, on s'est dit voilà, on fera en sorte que ce soit toujours le respect avec ce qui nous plaît et tout, mais voilà. Mais de temps en temps des petites pubs pour effectivement ne serait-ce que payer un peu de matos. Ce podcast est fructis. On va faire un petit rap. Non, mais voilà, parce que j'ai reçu des messages genre vous êtes au courant qu'il y a de la pub. Oui, on est au courant, mais c'est vrai qu'on l'a pas dit comme on l'a mots. On l'a pas dit, on a oublié. On l'a un peu évoqué, mais pas. On l'a un peu évoqué, ça y est, c'est fait. On le sait. Faut que vous sachiez qu'en fait, on passe par un network où tu discutes de quelle marque t'es d'accord et quelle marque t'es pas d'accord. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y en a plein où on n'est pas d'accord. Et donc voilà, mais ça y est, c'est un peu mis en place et normalement on devrait, alors pas tout de suite, hein, parce que tu touches pas l'argent direct. Avoir un peu de sous, ce qui va nous permettre aussi, et ça je suis désolé pour nos invités, mais pouvoir même payer les Uber, les trucs plus tard, là toujours pas, là c'est par vos propres moyens. C'est toujours PPM, t'as un deg. Et ben nous réjouissons de cette nouvelle, donc ouais. Voilà, ça fait plaisir après 6 ans quand même. Ouais, c'est ouais. Clair hein. On espère, c'est clair. Parce que s'il y a encore des fils de pute pour calme-toi Jérôme. Les tutos, c'est les tutos. Bah merci à tous en tout cas, merci c'était très ouais. Agréable, ça fait ciao. Du bien, en direction en terrasse. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.